Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Gertin clarifiera un sujet au besoin dans son bulletin Gertin. Et je ferai de mon mieux pour vous divertir dans The Tanya is Gonna Entertain Ya. C'est pas ton nom déjà, Tanya, je crois. Assemblage requis, comment ça s'est fait? Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis en ce mercredi 14 février 2018. On est à 72 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, là où il manque un lecteur de sécurité. Le système d'alarme a été arraché entre la petite boîte avec les chiffres de notre porte. Et grosse soirée à la Chasse-Galerie hier soir. C'est passé des choses. C'est le party Saint-Valentin, je crois. Même pas, c'est ce soir. Arrête donc. C'est un mardi karaoké. Le karaoké a viré sur le top. Donc, si on fait ça hier, pendant un party normal de karaoké, imaginez ce soir pour le party spécial, le retour du 10-12, ça a plus jamais, il n'y a plus jamais de 10-12 ces temps-ci. C'est vrai. Ça va être malade. C'est vrai. André. T'as bien raison. Donc, on en reparlera demain. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. On parle d'aujourd'hui pour commencer. Sébastien Gertin a changé de cas horaire. Il va être dorénavant à 7h30. C'est confirmé. Donc, 7h30 pour le bulletin Gertin avec Sébastien F. Gertin. On parle d'actualité mondiale un petit peu. Aujourd'hui, on doit vous avouer le changement de cas horaire de David Ferron, qui habituellement est le mercredi à 8h30. Dorénavant sera le jeudi à 8h30. Donc, soyez-y. Sébastien va être le seul aujourd'hui. Le reste, ça va être pas mal nous. Hein? Uh-huh. Donc, plus tard, ta collègue s'en vient. Tania Isgola Entertainia, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, hier, c'était la journée mondiale de la radio. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'amour. Alors, je me suis donné comme mission, Dédier des messages à des gosses. Non, pas du tout. Le plus, mon orgueil est de vous parler d'amour. Mmh. Alors, je vais vous parler d'amour, mais de comportement négatif qu'on a en amour. Et qui sait, peut-être, est-ce que je vais faire un lien vers les Jeux olympiques? Oh, parce qu'il y a toujours un lien vers les Olympiques. Tout le temps, cette semaine, c'est sûr. Tous les chemins mènent à Pyeongchang. T'as bien raison. C'est ça. Donc, moi, je vais lever la main si jamais les problèmes de comportement m'affectent ou sont ceux auxquels je participe dans la vie. Merveilleux. Mais hors onde. On filmera pas ça. OK. Je vais aussi vous faire quelques petites chroniques maison, entre autres les instructions d'assemblage aujourd'hui pour remplir les trous perdus depuis la semaine passée, les mercredis. C'est notre journée la plus remplie, mercredi, faut dire. On avait des chroniqueurs à chaque demi-heure. Ben oui, c'est ça, exactement. C'était une journée quand même assez bien remplie qui demandait beaucoup de concentration. Ouais. Not anymore! Exactement. Donc, rien de moins. On va continuer quand même à avoir des grosses émissions. Oui, mais oui. Ne vous inquiétez pas. Ce sera juste pas le plus gros jour dorénavant. C'est ça. Voilà. On va commencer ça en se faisant comment je pourrais dire ça? Je sais pas, tu vas y arriver. Ouais. On va se mettre bon. OK. En attendant, Sébastien. D'accord. On va se faire un petit masque de neige. Ouh! Mm-hmm. Voici le groupe du... Ah, ça va, joli. Ça valait pas la peine d'attendre aussi longtemps pour avoir ça comme... Non, comme gag. Sans répit. et masque de neige. Du quoi? Je sais pas. Faudrait les appeler ou leur demander. Dû. Oui, vous nous devez quelque chose, des explications. Ces explications sont dues. Exactement. Hein, savoir votre nom de band. C'est ça. De d'où? Casser. D'où peut-être ça vient? D'où? Ça vient peut-être? D'où? Peut-être. Ça vient d'où? D'où? Comme d'où. Hey boy. C'est le matin, c'est tout ouais, le matin. Oui, c'est ça. Il nous manque un peu de caféine dans le corps, un petit peu. On est mercredi. C'est ça. Chaque jour, il y a une excuse. Il faut on est lundi. Avec nous. On est mardi. Hey, bref, masque de neige, ça me rappelle l'hiver. Bien, certainement. Et ça m'adonne que j'ai une liste sur l'hiver dans son foutu palmarès. Regarde-moi ça, Lazare. Où est allé une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de froid, on parle de l'hiver. Hein? C'est toujours le fun, l'hiver, de se mettre en dessous d'une grosse couverture. Mm-hmm. Donc, c'est le fun. Il y a aussi aller travailler. Quand il fait froid, moins le fun. C'est vrai. Bref, quelques petits faits sur l'hiver et ce moment de l'année. Quelques trucs là-dedans qui sont américains, mais on va essayer de s'adapter quand même là-dessus. Par exemple, il y a le fait qu'il y a de la neige là où tu penses qu'il n'y aurait pas de neige. Hein, c'est normal d'avoir de la neige au Québec, hein, quand même. Le Canada, on s'est connu pour ça. Mais on n'a pas le monopole sur les chutes de neige. On en a vu dans le désert du Sahara et à Hawaï. Même les endroits les plus secs sur Terre ne sont pas immunisés à la neige. En 2011, le désert Atacama au Chili a reçu 32 pouces de neige grâce à un front froid rare de l'Antarctique. Mm-hmm. Les flocons de neige viennent dans différentes grandeurs. Hein, la moyenne d'un flocon de neige, c'est plus petit qu'une scène noire. Hein? Ça peut être même de la largeur d'un cheveu humain. Hein? Donc c'est quand même un grand range, là, entre quand même assez gros relativement une scène et un cheveu humain. Mais selon des sources qui n'ont pas été vérifiées, ça peut aller encore plus gros que ça. Il y a eu des gens qui ont été témoins d'une tempête de neige à Fort Key, au Montana, en 1887, qui disent avoir vu des cristaux de la grosseur d'un genre de chaudron tomber du ciel. Donc ce serait le plus gros flocon de neige qui a jamais été vu, environ 15 pouces de large. 15 pouces. Hein? Un sous-marin 12 pouces, plus 3 pouces. Hein? Un petit peu d'eau, ça peut créer beaucoup de neige. Hein? L'air n'a pas besoin d'être super humide pour produire une quantité impressionnante de neige. Donc, il peut y avoir de la neige qui contient beaucoup d'air, évidemment, et ça ajoute à son poids. Et c'est pour ça qu'on peut voir s'il y a un pouce de pluie, peut-être. L'été, un pouce de pluie, c'est égal à 10 pouces de neige l'hiver. On peut entendre un bruit particulier lorsque les conditions sont exactement correctes. Donc, si on entend le bruit du tonnerre en plein milieu d'une tempête de neige, ben ça arrive. Donc, c'est un phénomène rare hivernal qui est surtout commun près des lacs lorsqu'une colonne d'air tiède, relativement, monte du sol et forme des nuages de tempête turbulents dans le ciel l'hiver. Il y a un potentiel d'avoir ça. D'autres facteurs sont nécessaires pour que ça ait lieu. Entre autres, que l'air soit plus chaud que le nuage au-dessus et que le vent pousse l'air chaud vers le haut. Hein? C'est ça? Oui. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Ça pourrait arriver. Et c'est plus rare qu'on va voir l'éclair l'hiver. Et des fois, la neige va calmer le son de cet éclair-là. Donc, on ne l'entendra pas aussi fréquemment. La neige peut tomber entre 1 et 6 pieds par seconde. OK. Ouais, donc c'est des flocons de neige qui agissent un petit peu comme des parachutes. La neige qui tombe en forme de petites palettes, de petites billes, qui va arriver sur la Terre beaucoup plus rapidement que d'autres sortes de neige. Ça prend pas tellement de temps avec la température descende. Donc, les conditions du milieu du mois de janvier. Par exemple, à Rapid City, dans le Dakota du Sud, leur record de température était le 10 janvier 1911. Cette journée-là a commencé à 55 degrés Fahrenheit et en 15 minutes, il y a eu un front froid qui a fait descendre la température à 8 degrés. Donc, 55 degrés Fahrenheit en Celsius, ça nous donne un gentil petit 12 degrés. Hein? Alors qu'un 8 degrés Fahrenheit, ça nous donne un moins 13, tout ça en dedans de 15 minutes. Wow! C'est le record en passant pour le plus rapide changement de température de toute l'histoire. J'imagine. La Terre est plus proche du Soleil pendant l'hiver, savais-tu ça? Non. Chaque mois de janvier, le début de la saison hivernale dans l'hémisphère nord, la Terre se rend au point dans son orbite où elle est plus proche du Soleil. Donc, la descente de température n'a rien à voir avec la distance qu'on a entre la Terre et le Soleil. À la place, c'est plutôt la direction de l'axe de la Terre qui est penchée. Donc, c'est pour ça que les deux hémisphères vivent l'hiver à différents moments de l'année, nous dit-on. Plus de 22 millions de tonnes de sel qui sont utilisées sur les routes américaines chaque année. Ben oui. Ça fait 137 tonnes de sel par personne. C'est énorme. Énorme. La ville où il neige le plus. Oui. Est-ce que tu sais, c'est où dans le monde? Le Québec, non, c'est pas vrai. Ouais, ça pourrait. Je veux dire l'Antarctique. Non, c'est le Japon. Ah ouais? C'est au Japon, c'est à Aomori City, dans le nord du Japon, qui reçoit plus de neige que n'importe quelle autre ville d'importance sur la planète. À chaque année, les citoyens reçoivent 312 pouces de neige, ou environ 26 pieds de neige en moyenne. Mais wow. Maudit, je savais pas ça pantoute. Des fois, il y a des boules de neige qui se forment par elles-mêmes. Quelque chose d'étrange, dans le nord-ouest de la Sibérie, de grosses boules de neige ont commencé à arriver sur le golfe de Ob, Ob. Finalement, ces orbes, ces genres de globes de glace se sont formés naturellement avec le mouvement de l'eau et du vent. Okay. Il y a des sphères qui peuvent se rendre jusqu'à 3 pieds de circonférence. C'est des munitions, ça. C'est des munitions. Ouais. Ouais. Le facteur vent, ensuite, est calculé avec une formule très précise. Lorsqu'on dit, on a déjà parlé de ça à l'émission, mais quand on dit la température ressentie est de blablabla, ils ont l'air le d'avoir... C'est ça. Ils n'ont pas inventé ce chiffre-là en zam avec le petit guichet de doigts. On dirait qu'il fait moins 21. Non, en fait, le facteur vent est calculé avec une équation très compliquée que les météorologues ont créée. Pour les amateurs de mathématiques qui aimeraient tester ça à la maison, la formule est la suivante. 35,74 plus 0,621 5T moins 35,75 entre parenthèses V à la 0,16 oui, fermez la parenthèse, plus 0,427 5T entre parenthèses V à la 0,16. Hein? C'est beau, hein? C'est merveilleux. Les villes doivent se débarrasser de la neige de façon créative. On le sait ici au Québec, on voit tout le temps les camions passer plein de neige. On s'imagine qu'ils vont porter ça quelque part. J'imagine. Mm-hmm. Lorsque la neige s'empile un petit peu trop haut, hein, pour que les villes doivent s'en débarrasser, ben normalement, on les amène dans des stationnements ou d'autres espaces ouverts où on peut laisser ça jusqu'à temps qu'il fasse plus chaud. Ça, c'est quand même évident. Pendant les saisons particulièrement enneigées, les villes sont des fois forcées à domper la neige dans l'eau, dans l'océan. Hein, et ensuite, ils se font critiquer par les activistes environnementaux. Là, on parle des États-Unis, bien sûr. Certaines villes ont aussi des appareils pour faire fondre la neige. Donc, ça utilise de l'eau chaude pour faire fondre 30 à 50 tonnes de neige par heure. Cette méthode-là est très, très rapide, mais coûte très cher. Une seule machine peut coûter jusqu'à 200 000 $ américains et brûler 60 gallons de gaz en une heure d'utilisation. La neige mouillée, c'est la meilleure, évidemment, pour construire des bonhommes de neige, selon la science. On n'a pas besoin de la science pour nous dire, mais c'est bon d'avoir une preuve quand même, une petite confirmation. La physique, oui, confirme ce qu'on sait depuis l'enfance, c'est que la neige qui est du côté plus humide ou mouillée, c'est mieux pour construire un bonhomme de neige. Un scientifique dit que le ratio entre la neige et l'eau, le meilleur ratio est de 5 pour 1. 5 parts de neige pour une part d'eau. Hein? Les flocons de neige, on se dit tout le temps qu'ils sont uniques. T'sais, on se dit tout le temps, deux flocons de neige, j'ai bien pareil. Oui, ben oui. ADN. Yeah. Ouais. Oui, c'est ça, l'ADN, oui, ben oui. L'ADN d'un flocon de neige. Tout ce qu'on dit dans cette chronique-là est vrai. Ben oui. Ça. Les cristaux de neige vont former des formes uniques, mais il y a au moins un exemple de flocons de neige identique dans le livre des records. En 1988, deux flocons de neige ramassés dans une tempête dans le Wisconsin ont été confirmés comme des jumeaux dans un centre de recherche atmosphérique du Colorado. Ben voyons non. Faut-tu avoir du temps? Hein? Hey, faut-tu pas les faire fondre rien que ça? C'est peu, ça, hein? Hey, oui, comment tu gardes ton... Je sais bien pas. Juste un flocon, là. Tu sais? Comment t'arrives à le conserver? Sur un bâton? Dans une glacière? Je sais pas. Y a une différence entre de la pluie qui gèle et de la slush, nous dit-on. La pluie qui gèle et la slush peuvent être les deux assez dérangeants dans la vie. Ces deux types de précipitations-là ont lieu lorsque la pluie s'est formée dans de l'air chaud dans le ciel, passant à travers une couche d'air froid près du sol. Les couches plus épaisses d'air froid créent de la slush, donc la forme d'eau slusheuse, là, mi-congelée, mi-gelée, si on veut, alors qu'elle arrive sur la Terre. Et les couches plus minces ne donnent pas assez assez de temps à la pluie pour geler avant d'arriver à la surface. Et là, ça forme une petite couche de glace lorsque ça atterrit par terre. Tous ces renseignements-là sont dans l'article de Mental Floss sur assemblagerequis.com. Moi, j'ai appris quelques affaires, quand même. Ben oui. Quand même. On va rester dans le froid, justement. Pourquoi est-ce qu'on a froid lorsqu'on sort de la douche? Changement de température, là. Ouais. C'est la seule raison valable que je vois. C'est ce qu'on dit. Sortir de la douche le matin, c'est déjà difficile, hein? T'es bien au chaud et là, tu sors. Et Caroline, que c'est froid, puis c'est pas le fun, personne veut vivre ça, mais t'as pas le choix, hein? Ben non, c'est sûr. Ah, bon. La réponse, c'est l'évaporation, en fait. Okay. Quand tu descends sur ton tapis de bain, l'eau qui est sur ta peau commence à s'évaporer. Mais pour se changer en gaz, l'eau a besoin d'aide, donc ça a besoin de l'énergie de la chaleur. OK. Mmh. Ça prend cette énergie-là en prenant l'air chaud autour de toi. Et dans le cas de ta douche matinale, l'eau qui s'évapore va prendre l'énergie des gouttes qui sont sur ton corps. Donc, résultat, c'est que l'eau sur ton corps va refroidir et toi aussi. Hein? Ah! Voilà. L'évaporation qui peut être un petit peu difficile lorsqu'on prend sa douche, mais c'est pratique lorsqu'il fait chaud. C'est ce qui fait que la sueur, donc le mécanisme de refroidissement de ton corps, fonctionne. La sueur ne va pas toujours te refroidir, mais quand même, l'eau qui est tellement saturée de. L'air qui est tellement saturé d'eau que ta vapeur ne va pas s'évaporer, ce qui fait que tu vas avoir tout chaud dans ce temps-là. Hein? Voilà. Et on dit aussi que le cocon derrière ton rideau de douche aide. Dans le fond, emprisonne beaucoup de vapeur d'eau, ce qui fait que l'air dans la douche va rester chaud et humide, mais l'air à l'extérieur du rideau, n'étant pas protégé par le rideau, n'est pas aussi humide. Donc, quand tu sors de la douche, tu es dans un environnement qui va faire que l'évaporation de l'eau va se produire plus rapidement. Hein? Je comprends. C'est cool, hein? Mm-hmm. Mais oui. Et pour en revenir, on reste dans le froid, là, étant donné que les Olympiques d'hiver ont lieu en ce moment. On se posait la question de pourquoi est-ce que les Olympiens vont mordre leurs médailles. Mm-hmm. Ouais. Si tu regardes les Olympiques, tu remarques que souvent les médaillés mâchent leurs médailles d'or ou d'argent, peut-être un petit peu moins le bronze, hein? Non? Ben non, ils font aussi. Moi, ouais? Ok. Bref, on se demande pourquoi. Ben la raison, c'est qu'ils suivent les ordres, mm-hmm. hein? Et spécifiquement les ordres du photographe. Lorsque les Olympiens font leur petite pause de victoire, il y a une mer là, de photojournalistes qui prennent des photos de ces athlètes-là, leur demandant de faire quelque chose d'autre que, tu sais, je veux dire, ils veulent pas, les photographes, que les athlètes restent là avec les bras sur les côtés, puis c'est plate à regarder. Hein? Donc, ils n'ont aucun autre accessoire autour et les gagnants ont pris l'habitude de commencer à mâcher leurs médailles pour satisfaire les commandes de ces mondadines de photographes. Et si là, tu te demandes clairement, j'en suis certain, est-ce que quelqu'un s'est cassé une dent? Ouais, je me pose la question. Hey, merci d'aider un peu. Ça fait plaisir. Donc, la réponse, c'est bien sûr oui. Hein? En 2010, David Muller, un Allemand qui fait de la luge, s'est cassé le coin de la dent sur sa médaille d'argent. Mais une chance, nous rappelle l'article, sa mère est dentiste. Mm-hmm. Hein? Aussi, dans le temps, mordre l'or, c'était une façon de voir si c'était de l'or. De l'or, c'est masculin. Bref. La plupart des Olympiens le savent déjà que leur médaille est faite d'or, mais surtout d'argent et de cuivre recouvert d'or, parce que c'est pas de l'or solide. Sinon, chaque médaille coûterait au Comité international olympique environ 17 millions de dollars US. Donc, c'est pas complètement fait en or, même les médailles d'or. Voilà. C'est tout pour ce petit bloc de son foot palmarès qui est devenu une liste, qui était une liste au début et qui est devenue juste une liste de faits que j'avais pas vraiment d'autre place où les mettre que dans cette chronique-là, ça paraît-tu? Hein? Mm. J'avais une chronique dans le temps qui s'appelait ça s'appelait Arrête avec tes questions. Ah ouais? Et c'était une liste de questions-réponses, mais ça ressemblait tellement à toutes mes autres chroniques que j'ai fini par arrêter de la faire. Ah. Tu sais, j'avais c'est un fait ou c'est des faits? Ouais. T'avais Arrête avec tes questions qui étaient des faits mais en forme de questions. Ouais. T'avais son foutu palmarès qui est des faits mais en forme de liste. J'ai fini par abandonner deux sur trois puis regarder juste un. Hein, des fois, faut faire des choix. Pas le choix. Se renouveler. Exactement. Sinon, on stagne. Hein? Mais ça me donne quand même l'envie d'entendre l'intro d'Arrête avec tes questions. Puis on vient avec Sébastien F. Gartin pour son bulletin Gartin. eyes on the screen. We have all the information now, but what does it mean? Reason's a tease. Drank up all that hemlock, here I am just reading the leaves. And left wondering what happened to the life we lost, that got lost in the living. And all this fiction makes me nervous. Turns out it was blood spilled on the canvas. We admire just like some Rorschach painting. Sacrificial violence, all those passed over in silence, then cast out with the blame. And I'm trying to stay sane. Meanwhile, the river of forgetfulness, it starts spilling the paint. Rorschach de Typhoon à Assemblage Requis. On se demande, Sébastien, Gatin et moi, si les petits bruits qu'il y a au début de la chanson sont supposés être là. Je me le demande. Moi, je pense que ça essaie de faire bien artsy, mettons. Ouais, peut-être. Parce que comme on disait tantôt, en fait, c'est Tania qui disait ça, on dirait qu'il y a quatre tunes dans la même tune. C'est ça. Non, juste le début, là. Je sais pas si on l'entend dès le début, là. Mais c'est comme... Tu sais, on dirait, tu sais, un P3 que tu pognes illégalement quelque part. Ouais, exactement. Ils ont mis une marque dedans pour savoir c'est qui l'a partagé illégalement. C'est genre de grésil. Je vais avancer un peu, moi. C'est où? Ça sent bien, je pense, là-dedans. Eyes on the screen. We have all the information now. But what does it mean? Ça. Ah! Je sais pas si c'était voulu. On dirait qu'on se fait pirater. c'est comme pas plaisant. Non, c'est ça. Non. Ni pour les oreilles, ni pour le son de la toune. Ni pour le nez, d'ailleurs. Ni pour le nez, ni pour le sens du toucher. Exactement. Il y a rien de bon là-dedans. Bref, on prend une pause. Qu'est-ce qui s'en vient au retour, Sébastien Gartin, dans ton bulletin Gartin? Je vais parler d'un sujet qui énerve bien des poils de jambes au Québec. Oh! Hein? Okay. Un sujet important, ça énerve de poils des jambes du monde. Okay, donc du monde s'énerve de poils des jambes avec ça. La taxe sur le rasoir pour les femmes. C'est exactement. Ça, au retour, dans le bulletin. Aujourd'hui. Cifou 89.1 FM. 89.1 FM. Accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oui, mais on n'est pas seul en studio, Mathieu. Ben non, on va s'énerver le poil des jambes. Ben oui, exactement. On parle de rasoir, non? Non, non, non. Avec Sébastien Gartin et son bulletin Gartin. C'est le bulletin Gartin. Salut, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien. Ouais. Ça irait mieux que du café. Ça irait beaucoup mieux. Ah, ouais. Mais ouverte. N'en a pas. On va vieillissant. Pas pour nous autres. Maintenant qu'on est en passant, pour ceux qui ne savent pas, là, qui nous écoutent à d'autres moments, on a reculé ta chronique d'une demi-heure. Fait qu'on va être encore plus en forme. Notre première demi-heure est souvent vraiment plate. C'est pas vrai, c'est mon contenu qui est dedans. Je peux pas dire ça. Malaise! Sur ce. Donc aujourd'hui, on s'élève le poil des jambes, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Oui. Ben, c'est l'expression commune qui veut dire s'énerver. Monter sur nos grands chevaux. C'est ça. Qui ont aussi des poils. C'est ça. Mais ça, ben, c'est poils des pattes. Ça. C'est des chevaux. Tu sais, il se fait des chats nus, des chiens nus, tu sais, pas de poils. Ouais. Des chevaux, pas de poils. Non, je suis pas non. sûre. Non. J'aimerais mieux pas. Des sphinx. Ouais, c'est ça. Ouais. Cheval sphinx. Je préférais ne pas voir ça. Non, moi non comme plus. Une fois, j'ai vu un ours pas de poils. Ah ouais? Hein? C'était pas le fun. C'était pas le fun. Ça fait peur, un ours pas de poils. Ça a l'air une espèce de créature démoniaque. En tout cas. Hey, je regarde ça, puis il y a des Photoshop. Je sais pas si c'est des vrais, mais des chevaux sans poils. Il y en a sur Google Images, en tout cas. Ben, mon Dieu. Ouais. Ben, c'est juste des. Clairement, le deuxième en bas, c'est un Photoshop, là. Probablement que c'est tout des Photoshop, non? Je sais pas. Pas rien que ça. C'est parce que c'est juste des chevaux avec le poil ras. Oui, c'est ça. J'avoue. Anyway. Ils sont pas nés, pas de poils, on ça se que tu veux. Bon, bref, pour une affaire que j'ai dit en joke, on a parlé un peu trop longtemps. Réellement, ce que je voulais en parler, vous allez comprendre tout pourquoi je dis qu'il y en a plein qui s'énervent avec ça. Ouais. C'est, en fait, la loi 101 est de retour dans les médias. Oh! Bon. Ça manquait, ça. C'est ça. Ben, c'est une affaire qui... C'est comme un passage obligé à mener. Il faut qu'il y ait du monde qui ramène la loi 101 à quelque part. Pas le choix. Bon, cette année, pour que c'est faire, je dirais qu'une des raisons distales, donc sur le long terme, c'est que ça va pas très bien pour le PQ et qu'il se cherche un combat d'ici aux élections du mois de l'automne prochain. Ouais. Pour essayer de convaincre les gens. Par contre, ça a été amené, en fait, par la députée de Vachon. C'est-à-dire, ben c'est son comté là. Ouais, non, je sais, Martine Ouellet, j'ai pas le choix de qui est la chef du Bloc québécois. Ouais, t'avais pas le choix de penser choix, à Joe, hein. Ouais. C'est ça. C'est y a loi de la physique, puis là, Mathieu va penser au Joe. C'est ça. Il y a pas nécessairement, mais c'est pas pour rien que je te surnomme Madjou de Mauplan. Oui, merci. C'est en soi-même un jeu de mots. Fait que, c'est parfait. D'ailleurs, on se disait hier, hein, si tu t'achetais des écouteurs Plantronic, tu serais Majinmo Plantronic. Ça serait malade. Oh, j'ai pas le choix. Ils sont faits pour moi. C'est ça. Bref, j'avais pas le choix de la ramener en onde, celle-là. Ouais. Bon, c'est ça. Donc, je disais, entre autres, ça a été amené à l'Assemblée nationale par la députée de Vachon. Mm-hmm. Mathieu fait un petit sourire. Pas le choix. J'avais 203, députée de Vachon. Bon, voilà. Donc là, tu l'as sorti de ton système. C'est fait. Bref, c'est bon, c'est correct. Donc, Martine Ouellet, qui est une ancienne députée du PQ, mm-hmm. Parti québécois. Oui, oui, c'est ça, provincial. Je peux faire les mots, mais c'est trop facile. OK. Parce que c'est du papier cul, ça. Tout le monde l'a fait déjà. Je peux pas la faire. Ouais, on s'entorche. On s'entorche. Bref, qui est maintenant la chef du BQ, Bloc québécois, Parti fédéral. Donc, qui a été... qui ne fait plus partie du caucus du PQ, mais qui, bon, on s'entend, c'est une ancienne députée, elle fait plus partie du caucus, pas parce que... Elle est plus dans le cocu du PQ et dans le BQ du cocu du cocu du BQ. C'est ça. Excusez-moi l'absence de café, des fois ça crée des choses comme ça. On l'a même pas marqué, je faisais des mauvais gags pendant ce temps-là. Exactement, merci. Teamwork. Oui, exactement. Merci, gang. Bon. Donc c'est ça, elle fait plus partie du caucus du PQ, elle est maintenant chef du BQ, même si c'est pas députée au provincial, mais même si elle est encore députée au provincial, mais non fédéral, elle m'a rendu députée indépendante. Bref, c'est compliqué, c'est la députée du comté de Vachon, ça met 304. Donc elle a ramené une pétition à l'Assemblée nationale pour que pour obliger à ce que l'appareil d'État québécois ne fonctionne qu'en français. OK. Ça, dans le fond, il y a un paquet d'organismes qui sont pour ça. Ça c'est, dans le fond, en gros, l'idée, c'est de faire modifier la charte de la langue française, qu'on appelle généralement la loi 101, oui. Qui date de, du 26 août 1977. Ah, quand même, je pensais pas. Qui a été modifiée constamment, et ainsi de suite. Puis c'est là un peu que je vais en venir avec l'énervage de poils de jambe. C'est qu'on se demande parfois à quoi ça sert en 2018, la loi 101. Mm-hmm. Ouais. D'un, je vais commencer par finir ce que je disais sur « Je m'excuse, je suis vraiment complètement décousu ce matin ». C'est de l'absence de quelqu'un. Chance qu'il n'est pas 7h. Hein? Il était vers quoi? C'est ça. Bon. Ce qui arrive, c'est que les partenaires pour un Québec français, ça, c'est le groupe de je l'ai dit tantôt, le groupe de... radicalistes. Ouais, on va dire. De groupe, le groupe de groupe, ouais. Qui voudrait que... l'appareil d'État français, l'appareil d'État québécois, excusez, fonctionne juste en français. On parle de la Société Saint-Jean-Baptiste, mm-hmm. classique. Ben oui. Du PQ, évidemment. Mm-hmm. De la députée de Vachon, on l'a dit tantôt. De Québec solidaire aussi, du Bloc québécois, et de plusieurs syndicats, plusieurs organisations syndicales. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent exactement? C'est que actuellement, c'est souvent demandé aux fonctionnaires qui vont occuper des postes de plus en plus importants, on va leur exiger la maîtrise de l'anglais pour faire leur job. Parce qu'une partie de leur job serait faite en anglais. Mmh. Les lois au Québec sont quand même publiées dans les deux langues, même si le Québec est théoriquement uniquement francophone. Ouais. Ça, ben, on dit que c'est une atteinte à la langue française. Puis on s'énerve le poil des jambes là-dessus. A-t-on raison? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse non. pour l'instant, parce que je trouve qu'on s'énerve quand même un petit peu avec ça. Pourquoi? Parce que, bon, ce que la langue... on va revenir un peu aux sources. Qu'est-ce que la loi 101 dit? C'est qu'elle dit les services doivent être disponibles en français au Québec. Oui, ça, c'est... Ça me semble ouais, normal. C'est normal, oui. Ouais. La prestation des services publics doit être disponible en français. Ça ne dit pas qu'elle doit être juste en français. Non. De un... Ça s'appellerait se renfermer sur soi-même. Mais c'est ça. On a le droit d'accommoder pour différentes raisons. Je veux dire, en base des services de francisation, c'est juste normal que le prof qui donne le cours de français parle aussi la langue d'origine des gens qui... Ben oui. On s'y attend. De plus, plusieurs fonctionnaires sont appelés à, dans l'exercice de leur fonction, à être en rapport avec des fonctionnaires de d'autres provinces ou ben du oui, fédéral ou carrément de d'autres pays. Parce que tu sais, tant que ce ne serait pas un pays... Ce sera une province dans un pays, il faut que tu parles aux autres provinces. Puis même là. T'as affaire à l'international. Tu veux vraiment, des genre, fois. Est-ce que tu veux construire un mur autour du Québec aussi? Tant qu'à faire. Non, mais tiens, rendu là. Ça ressemble à ça. Hein? Moi qui dis que j'ai pas d'opinion. Tu mets un mur autour du Québec. Pète ta coche, Mathieu. C'est ça. bon, puis là, moi, ce que je trouve qu'on en rajoute un peu, surtout, c'est que il y a le député de Bourget, si je me rappelle bien, Makakoto. Qui a fait un peu une sortie là-dessus. C'est le critique en matière de culture de français, ouais. Langue française, ainsi de suite pour le PQ. Il était député de la culture pendant le court règne du PQ en 2013. Ouais, non, c'est quoi? Bon, puis lui, ce qu'il disait, c'est que... Pis moi, c'est là que j'accroche en tabarouette. C'est qu'il dit... La loi 101 a été charcutée par le fédéral là, depuis ben, sa mise wow, en... Là, pas tant. Ben, il y a eu des choses qui ont été enlevées dans la loi 101 depuis 1977, mm-hmm. Pour différentes raisons, entre autres parce qu'il y avait des affaires qui étaient trop restrictives. Mm-hmm. Une des choses, ça demandait à ce que l'affichage public soit uniquement en français, ouais. Ce qui a été... Non, il faut que la majorité soit en français. C'est-à-dire, quand tu as une compagnie, ton plus gros mot, faut qu'il soit en français. Oui, puis non. Non, faut c'est pas juste une autre affaire. Faut que t'ailles un descriptif en français. C'est comme un magasin de souliers, ça va être écrit « magasin de souliers » en dessous du gros nom en anglais. Parce que, Colin, ce serait vraiment extrémiste de traduire tous les noms de magasins. On l'a déjà dit. Spring, ça serait printemps. Ou ressort, un des deux. Comme tu veux. Ouais. Best Buy, meilleur achat. Meilleur achat. C'est ça. Canadian Tire. Mais... T'sais, canadienne. Ouais. Ça serait lourd, peut-être. Vraiment. Peut-être un peu. Remarquez, un contre-exemple qu'on peut donner, puis là, je me fais l'avocat du diable deux secondes. On connaît tout Bureau en gros. Ouais. Il y a juste au Québec que ça s'appelle Bureau en gros. C'est Staples partout ailleurs. Ouais. Mais je suis là, ça, ça, OK, si. Ouais, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Pharmaprix. Ouais. Drugstore. Shoppers Drug Mart. Shoppers Drug Mart partout au Canada et aux États-Unis, sauf au Québec. Il y en a qui le font déjà. Il y en a qui décident de ne pas le faire. Ben, c'est une question de marketing rendu là. Tu peux pas forcer, il me semble, les compagnies à choisir un autre nom. Ben, ce qui est... Puis là, c'est là qu'il faut arriver à l'essence de la loi un peu. Ouais. Mm-hmm. L'essence de la loi, c'est qu'au Québec, il faudrait que quand que tu es un citoyen, donc pas dans, dans ta job ou quoi que ce soit, quand tu es un citoyen, il faudrait pas que tu ailles à parler une autre langue que le français pour survivre. Ce que ça veut dire, c'est que si tu rentres dans un établissement X, faut que, avec ce que tu peux lire à l'extérieur, si t'es pas familier, faut que tu comprennes ce que c'est. Mais tu sais, mettons, le magasin... Ben là, oublie le quartier chinois à Montréal, hein? Ouais. Mais mettons un magasin The Children's Place. Ouais. Mm-hmm. C'est très, très anglophone. Ouais. Mais on comprend en regardant que c'est un magasin pour enfants. Est-ce qu'il fallait que ce soit marqué magasin pour enfants? C'est pour ça que c'est du fine-tuning tout le temps. C'est les web, c'est tout le temps du cas par cas. C'est très dur à... S'ils font une étude de marché puis qu'ils se disent, bon, OK, le magasin Oshkosh-Bigosh, ça existe. Mm-hmm. À Trois-Rivières. Ah ouais? Ouais. S'ils font une étude de marché puis qu'ils disent, ben, les gens vont y aller pareil, même si ça s'appelle Oshkosh-Bigosh, ben, Colin, appelle-le demain. Ouais. Il y a tout le temps une chose, par contre, qu'il faut ramener dans cette logique-là de, ben, ils ont rien qu'à pas l'acheter s'ils comprennent pas ou de. C'est que, à un moment donné, quand tu mets pas de règlement, tu finis par être un peu otage des compagnies. Ça, c'est ça. Ça, oui. Dans le sens que le jour où ce que c'est pas obligé, tu vas en avoir une coupe qui vont le faire, mais tu vas avoir une masse critique qui le feront pas. Ce qui va faire que, ben le monde finisse par ne pas faire respecter le fait qu'ils ont le droit d'être servis en français. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Boulevard des Récollets en passant, si vous voulez aller chez Oshkosh Bigger. Ah, ben, Moses! Ouais, c'est pas une marque de linge pour enfants, justement, ouais, c'est ça? Exactement ça. Okay. Ça s'appelle, le nom complet, c'est Carter's Oshkosh Bigosh Canada. Eh ben. Ouais. On les, s'ils veulent annoncer sur nos ondes, ils ont le droit dessus. C'est le numéro de téléphone de Tania Bourdin. Non, c'est ça, exactement. Ben ouais, donc, ben c'est ça. T'sais, ça, c'est tout, déjà, les questions d'affichage, c'est déjà tout un débat, puis bon, c'est assez compliqué. Une autre chose qui est remise en question souvent par de la loi 101, c'est... À partir de l'enseignement, avant l'enseignement supérieur, excusez, donc primaire, secondaire, sauf si un de tes parents a été à l'école anglophone, t'es obligé d'aller à l'école francophone. Ouais. La raison de ça, c'est que, en fait, une chose qu'il faut comprendre, c'est que les, juste le fait d'avoir des écoles anglophones au Québec, on est déjà différent de partout dans le monde. Où il y a une langue française, principalement. Trouver une place où il y a des... Pas y a une langue française. D'un, aller aux États-Unis, essayer de trouver une école, des écoles primaires. Tu sais, puis on s'entend, les États-Unis, le pays du libertarisme, que si t'es prêt à payer pour, t'as accès. Trouver des écoles primaires pas en anglais aux États-Unis, pour le fun. Genre espagnol. Ouais. En espagnol. C'est ça. Ouais. Vous allez partout dans le monde, l'éducation se fait dans la langue commune. C'est juste même pas une question. C'était une minorité, c'est vraiment une affaire que c'est assez reconnu de... Non, là-dessus, tu prends sur toi puis tu vas à l'école publique, ne serait-ce que parce que faut que tu maîtrises la langue commune. C'est juste normal. Ça a été reconnu d'ailleurs dans à peu près... Puis ça, une affaire, je vais annoncer mes couleurs là-dessus. La loi 101 dans sa forme actuelle, ce qu'il y a d'écrit dedans présentement, là, avec les modifications qui ont été faites au cours du temps et tout, c'est un cas d'école en fait, en philosophie politique, en sciences politiques. On étudie cette loi-là. D'une loi qui est une loi de ce qu'on va appeler du nation building, de construction de nation, mais ça, c'est des auteurs anglophones souvent. Je dis ça, les plus grands défenseurs de la loi 101 à l'international, c'est des Ontariens. Ah ouais. C'est des universitaires ontariens qui disent « Ouais, la loi 101, c'est un bel exemple de comment bien faire les choses là-dedans. » Donc, ils disaient, comme n'importe quelle loi sur ces questions-là, au début, il y avait des choses qui étaient, bon, qu'il a fallu amender, qu'il a fallu changer, parce que là, ça créait des injustices, mais présentement, c'est considéré à l'international que la forme actuelle de la loi 101 fait juste mettre en loi des choses que tous les pays dans le monde font juste respecter, mais ne s'attendent pas à avoir à faire respecter. OK, oui. Tous les pays, toutes les provinces des pays, parce qu'on n'est pas le seul pays avec plusieurs langues officielles. Ouais. On pense à la Suisse qui en ont 5, entre autres. La Suisse, c'est l'autre gros exemple. C'est souvent, eux autres, c'est de la... un peu comme ce que le Québec tente de faire, c'est du bilinguisme régional. C'est-à-dire que telle région du pays, ça parle telle langue, cette affaire-là, attends-toi à parler cette langue-là. Mmh. Tu viens au Québec, attends-toi à parler français. Ouais. Tu vas en Ontario, attends-toi à parler anglais. T'sais. D'ailleurs, un Québécois qui va en Ontario, ben, on s'attend à parler anglais, on s'attend pas à se faire servir en français, même si on est dans un pays bilingue, techniquement. T'sais. qui serait l'autre côté, ça serait du bilinguisme personnel. C'est-à-dire que ben, on dit que le Canada est bilingue, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde parle les deux langues. Ouais. Ce qui est faux. Hein? Faux. Ce qui est complètement faux. Là. Trouver quelqu'un qui parle français en dehors du Québec, c'est... ça arrive, mais c'est rare. Ouais. Et tu sais, des villes comme Trois-Rivières, c'est rare quand les gens parlent vraiment anglais comme faux. Là. Ça arrive, mais il y en a pas beaucoup. Oui, pis mais le pire, c'est qu'il y a une communauté anglophone à Trois-Rivières, soit dit en passant, hein, qui ne parle pas français. Mais un tout petit pourcentage. Un tout petit pourcentage, mm-hmm. mais il y a assez pour dire qu'il y a une communauté anglophone à Trois-Rivières. Un moton. Ils sont tous profs d'anglais. Mais non, tu peux pas être prof d'anglais si tu parles pas français, non? Ben ça dépend à Three Rivers High School. Ouais, ben oui, mais ça, c'est l'exception. Mais ils sont pas nécessairement juste... D'ailleurs, c'est ça, c'est qu'ils envoient leurs enfants à Three Rivers High School. Puis à Saint-Pat's. Une chose importante à dire par rapport à ça, c'est que ça reste qu'on accommode quand même pas mal justement cette communauté linguistique-là. Pas grand place dans le monde qui font des trucs comme ça. Souvent, c'est beaucoup les minorités linguistiques. Prenez-y vous autres. Ouais. Je veux dire, la Gazette de Montréal se fait un... En fait, moi, c'est une chose que je trouve magnifique, c'est... Je suis abonné à The Montreal Gazette juste pour lire les commentaires sur les articles, parce que c'est drôle, mais tout ce que le gouvernement du Québec fait, le monde trouve le moyen de dire que ah, c'est parce que les Québécois sont péquistes, puis que c'est tout des maudits séparatistes, puis tu sais, je veux dire, ils disent ça du PLQ des fois, là. Ouais, on se bat, il y a le billet pro-francophone, puis tout, pis c'est comme, ouais, mais c'est t'es quand même dans la province francophone, tu sais. Ouais. Je veux dire, je dis pas qu'il faut du jour au lendemain enlever toutes les écoles anglophones, puis tout, mais comme tant mieux si on est capable d'être plus ouvert là-dessus. Mais ça reste qu'il faudrait faut que la minorité anglophone québécoise comprenne que c'est quand même une minorité choyée pas mal, comparativement à ce qui se fait ailleurs dans le monde. J'étais juste regardé le Québec comme minorité linguistique dans le Canada, on n'est pas choyé de même. C'est bien des affaires, là. Je veux dire, vu qu'on est quand même une province, t'sais, on est circonscrit dans une province, on est bien gâté, mais t'sais, il y a des minorités de francophones dans d'autres provinces, puis ils n'ont pas d'école française, là. C'est tout en anglais, puis ils s'anglicisent, puis c'est ça. D'ailleurs, c'était un peu à ça que ça a servi la loi 101, c'est que, ben, à pas se faire manger par les 300 000 anglophones dans lesquels les 300 millions d'anglophones, dans lesquels notre 8 millions de Québécois, qui sont même pas tous francophones, bang. C'est un peu ce qui est la différence de pourquoi est-ce que les pays en Europe n'ont pas à mettre des lois pour faire respecter leur langue commune. C'est que, ben oui, t'as tant de millions de Français, mais à côté, t'as tant de millions d'Anglais, puis t'as tant de millions d'Allemands. Puis de... Fait que, tu sais, bref, il n'y a pas une espèce d'océan qui englobe tout, tu sais. Tu vas en Europe, le monde baragouine un peu la langue d'à côté. Le nord de l'Italie baragouine un peu le français, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est juste plate, je trouve, quand la loi vient nuire aux autres, comme, mettons, je sais pas, je prends un exemple au hasard, mais des produits qui doivent absolument être disponibles aussi en français, soit avec un texte en français sur la boîte, ou avec une trame sonore en français absolument, et la compagnie derrière choisit de pas le faire parce que ça coûte de l'argent, ça m'enlève l'opportunité, le loisir, si je le veux, de l'avoir juste en anglais, ça vient me nuire. C'est une chose où ça mérite peut-être modernisation, toute façon, c'est rendu beaucoup très facile à contourner dans ce cas-là. Ouais. Ce qui fait que, ben, je donne un exemple, dans le magasin d'informatique que je nommerai pas, dans lequel je travaille. Que tu as mentionné précédemment, mais pas comme ça, on l'avait oublié. C'est ça. Il y a des produits qu'on vend, qu'on a, mettons, sur le site Internet, mais qu'on peut pas avoir au Québec parce que. Ils sont pas disponibles, même pour livrer au Québec. C'est ça. Parce que la boîte est pas traduite en français. Tu sais, moi, à la limite, là, je veux dire, sérieusement, la modernisation pourrait être simplement fournissez une feuille avec le texte traduit dessus. Ouais. Puis je suis là dans la main avec. Coller là-dessus. C'est ça. Ben, c'est comme les jeux vidéo, c'est ça comme que tu fais présentement. Comme les jeux vidéo, ben oui. Mais moi, ce que tu sais, tu disais les coûts de traduction, souvent la traduction existe pour autre chose. C'est du Google Translate de toute façon la plupart du temps. C'est ça, puis c'est moi ce que je trouve, puis je veux dire, je l'entends des fois dans l'exercice de ma job, là, franchement, il existe, tu sais, pourquoi est-ce que celui-là, il l'a pas, mais tel autre modèle de la même marque, ben, Exactement. Pourquoi ils n'ont pas fait la boîte dans les deux langues, Colin? Oui. Des fois, il y a de la lâcheté aussi. Vraiment. Ben oui. Tu sais, il y a un peu de ça, là. Des fois. Mais tu sais, au pire, là. Je sais pas. Justement, là encore, tu vas en Europe. Tu sais, premièrement, la traduction existe parce qu'ils vendent toutes les mêmes affaires en France. Sauf qu'ils sont pas dans le même format de DVD ou le GB pas compatible. Ouais, mais moi, je parle, mettons, des laptops, par exemple. Ouais. Là, ça arrive. C'est, moi, c'est ce que je le vois arriver plus souvent, ou des morceaux d'ordi. Mais souvent, mettons, comme la traduction française, elle existe, puis ils ont développé une boîte juste pour le Canada, qui est juste en anglais. Pour le marché nord-américain. Ouais. C'est ça, mais tu vas chercher, il y a d'autres boîtes pour le marché nord-américain de d'autres produits qui sont anglais, français, espagnol. Ouais, parce qu'ils vendent au Mexique aussi, tu sais. Mettez-le, mets toutes les langues du continent au moins. Ben, c'est ça, tu sais. C'est pas dur. Ben, quand tu achètes de quoi en Europe en partant, vous remarquerez, tu sais, les feuillets en dedans, c'est écrit souvent, tout petit. C'est écrit tout petit, mais tu l'as dans 15 langues à peu près. C'est parfait, ça. C'est pas nécessairement compréhensible, mais si tu veux, il est là. La niaiserie, c'est que il existe les traductions, puis des fois, ben, c'est juste une question de packaging, puis de. Ou tu sais, s'il y a une demande au magasin puis qu'ils veulent le mettre seulement en anglais puis qu'ils pourraient nous faire signer une petite feuille, je décharge le fait que ça ne dérange pas que ce soit en anglais. Non, c'est ça. Ça serait moi, ce que j'appellerais une modernisation. Ben oui. C'est un choix à faire. Tu sais, c'est ça. Ou que tu sais, ben, que tu as un site internet. Mettons, à la limite, juste de dire, allez sur tel site, vous allez avoir toutes les mêmes informations traduites. Hey, mettez pas du tout d'informations sur la boîte pour pouvoir le vendre complètement à l'international, juste l'image puis son nom. Ça serait avec le site web. Ça. Tu cliques dessus, là, c'est dans ça. Il faut juste réfléchir un peu puis arrêter de penser à la même affaire qui a toujours été faite par le passé. Mm-hmm. C'est ça, exactement. C'est des solutions que le monde pense pas puis qui accommoderaient tout le monde sans créer de problème. Tellement. Donc, j'en reviens à... Loi 101. Loi 101 et surtout à les partenaires pour un Québec français, yo. Non, mais les partenaires pour un Québec français, moi, je suis comme un partenaire, mon partenaire! En tout cas... Tania aime beaucoup le mot partenariat de ces temps-ci, fait qu'il faut pas trop parler contre. Ouais, mais attends, il faut comprendre la différence entre partenariat et ce qui est ce qu'on appelait dans le temps une commandite. Ouais, c'est ça, c'est le partenariat de type équipe. J'avoue que ça sonne bizarre. C'est bizarre. C'est mon partenaire de travail. Ouais. C'est mon binôme. Ouais, c'est ça, mon collègue. Moi, je sais pas, mon partenaire, c'est ça m'a tout le temps. C'est à base, c'est mon partenaire de vie. Une collection, une connotation sexuelle. Puis là, tout ce que je vois, c'est juste comme une espèce de tu sais, un rage comic, mettons, avec un logo de Bloc québécois au lieu de la face, puis un logo du PQ qui gambade en se tenant main par la main. Là, c'est ce que je vois. C'est mon partenaire. C'est mon partenaire. On fait du concubinage. Oui. Ouais, c'est ça. Pour rappeler, parce que c'est en début de chronique. Ouais, il y a déjà 20 minutes. C'est Jean-Baptiste. C'est ça qu'ils veulent que les. Que l'appareil étatique québécois, que les institutions québécoises fonctionnent uniquement en français. Mm-hmm. Et la grosse citation, c'est que ça devient une contrainte à l'emploi, dans le sens qu'il y a des fonctionnaires qui, oh mon Dieu, ont pas pu. Se sont fait limiter dans leur carrière parce qu'ils parlaient pas anglais. Puis là, moi, c'est là le bout de ce que je décroche. C'est que, tu sais, puis à date, je pense que ça paraît que je défends quand même pas mal la loi 101. Ouais, ben comme j'ai dit, c'est bon un là-dedans. Peu un cas d'école de comment faire respecter une langue, mais d'une manière juste et équitable pour tout le monde. Sans aller à l'extrême. Là, c'est extrême. Bon, de dire que si, que mettons, dans une job XYZ, tu devrais pas avoir à parler anglais pour accéder à la job, dans l'absolu, ça devrait pas être obligé. Par contre, ça peut être un atout. Dans ma tête, moi, ça devrait pas être obligé de savoir d'avoir un permis de truck pour avoir une job XY puis name it. Ce qui arrive, c'est que des jobs spécifiques vont demander des choses spécifiques. Puis là, moi, ce que je trouve, c'est que pareil comme que moi pour vendre des laptops dans un magasin à grande surface d'électronique que je nommerais pas, je devrais pas avoir un permis de van. Ouais. Ben une job où ce que tu conduis t'as pas à parler anglais dans l'exercice de tes fonctions, ça devrait pas être demandé effectivement de parler anglais. Puis compris, je vais même aller aussi loin que de dire dans la vente au détail, ça devrait même pas s'exiger de parler anglais. C'est un plus, mais ça devrait pas être exigé. Mais je pense que ça n'a jamais vraiment été exigé. Ils disent tout le temps que l'anglais est un atout, ouais, tout dépendant du poste pour lequel... Il y a probablement quelqu'un dans le magasin qui peut parler anglais puis aider la personne si c'est quelqu'un qui se présente. C'est ça, ouais. Ben, c'est ça qui se fait. C'est ça qui se fait, ben oui. On s'entend, si le magasin il est dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est sûr que c'est une autre affaire aussi. Oui, oui, parce qu'ici, ça pourrait être difficile de trouver quelqu'un qui parle absolument 100% les deux langues pour, puis pour plus avoir que le poste. Ça, ça sert à rien. C'est surtout ça le but, en fait. Parce que c'est pas... Ouais. Nécessaire. Mm-hmm. Une fois de temps à autre, on pogne quelques touristes, quelques anglophones, mm-hmm. puis effectivement, la personne qui se débrouille le mieux en anglais s'en occupe, ça finit là. Ouais. La fille chez Subway hier, elle parlait anglais aux clients. Tant mieux. C'est ça. On s'entend commander un sandwich quand tu parles pas la langue, souvent c'est faisable. Mm-hmm. Puis regarde, on va se le dire, on décide d'aller en vacances en Italie, ben, on va apprendre quelques mots d'italien pour se débrouiller. Des photos, pire. C'est ça, à la limite. Tu sais, il y a moyen de communiquer. On est des êtres intelligents à la base. Mm-hmm. Pis c'est ça. Fait que, moi, de dire que un fonctionnaire qui n'aura jamais parlé anglais dans l'exercice de ses fonctions, je suis très d'accord. Quelqu'un qui fait de la paperasse dans un bureau, mm-hmm. puis que ça touche pas aux questions linguistiques pantoute, là. C'est quelqu'un qui... Je sais pas, moi, qu'un fonctionnaire d'un service sociaux qui signe des chèques de BS, mm-hmm. je sais pas, là. Non, les affaires de même, qui va jamais avoir à parler au téléphone avec des citoyens ou what, peu importe. Effectivement, je trouve ça bizarre d'exiger que cette personne-là parle anglais. Ouais. Par contre, un fonctionnaire qui a à parler anglais dans l'exercice de ses fonctions... Je pense que c'est évident où est-ce que je m'en vais avec ça. Ben là, c'est normal de l'exiger. C'est peut-être juste de voir la ligne où est-ce qu'on considère que la personne a parlé anglais de ses fonctions. Parce que si on s'entend, souvent, c'est l'affaire. On met le règlement. Puis peut-être que, justement, la loi, c'est exactement ce que je dis là, mais que par mesure de précaution, on l'exige de tout le monde quand même. Puis on dit, ah ouais, mais il pourrait avoir un cas de figure où est-ce que... Regarde, je vais donner un exemple pour ça, là. Je vais donner un exemple d'une place où c'est institutionnalisé et que là encore l'anglais est un atout, mais qu'ils ont souvent affaire à des anglophones quand même. Je donnerai pas de nom là encore, mais ma conjointe travaille pour une institution financière. Mm-hmm. Puis dans l'exercice de ses fonctions, elle a souvent à parler à des clients. Puis autant des clients anglophones que francophones. Ce qu'ils font dans cette institution bancaire que je nommerai pas là, c'est que quand tu es engagé à ce poste-là, ils te font passer un test d'anglais de conversation. Ils ont quatre niveaux. Puis quand tu es dans le plus haut niveau, c'est-à-dire que tu es bilingue, ben tu as la priorité d'avoir les calls en anglais. Oui. Puis après ça, ben les autres, c'est le refoulement de ça. C'est ceux qui se débrouillent très bien en anglais, mais qui sont pas 100% franco, 100% bilingue, mettons. Puis ben ça descend de même après. Puis ce que ça décide, c'est que, mettons, quand tu es le deuxième niveau, ben tu vas avoir des calls anglais, mais ça va vraiment pas être la majorité. Puis quand tu es à l'autre niveau d'en dessous, ben tu vas avoir des calls anglais seulement et uniquement si les deux autres sont pas les deux autres sont complètement pleins puis que l'attente n'a pas d'allure. C'est ça. Pis, ça a bien du sens. Ça marche. Puis c'est juste logique de faire la même chose dans bien des affaires. Puis j'ai l'impression que c'est ça l'affaire. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... On voit pas... J'ai pas vu dans mes recherches pour cette chronique-là, j'ai pas vu vraiment en chiffres combien de gens ont été limités, puis combien de fois ça avait pas d'allure aussi. Que parce que les autres, il faudrait qu'il y en ait zéro de ces gens-là. Zéro! C'est ça. Ouais. C'est ça. T'sais, tant mieux si toi, personnellement, tu parles anglais, mais pour travailler pour le gouvernement du Québec, tu devrais pas avoir à parler anglais. Pis ça, je trouve ça utopique au bout. Ouais. Parce que, mettons de dire que le Québec... engage un interprète, mettons, pour une mission diplomatique en Suède. Mm-hmm. On va donner ça comme exemple. Ben, de dire que mais c'est un employé du gouvernement du Québec, fait qu'on n'est pas obligé de... cette personne-là devrait juste à parler français. Ben non, faut qu'elle parle suédois, Colin, ouais, c'est un interprète, tu sais. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est la même logique, dans le fond. T'sais, c'est juste que la question d'interprète, c'est juste que c'est un cas évident. Puis là, on est dans des cas un peu moins évidents. Mais... honnêtement, je pense que dans les deux bords, il y a un peu de la mauvaise foi. Mm-hmm. T'sais, de dire de l'exiger tout le temps, il y a clairement une question administrative niaiseuse, ce qui fait que c'est plus simple de l'exiger de tout le monde. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, ben j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de d'électoralisme qui se fait sur le dos de cette histoire-là. Mm-hmm. Parce que comme je dis, on peut bien critiquer des affaires dans la loi 101, puis oui, a besoin d'être modernisé, moi je dirais surtout pour les nouveaux médias. Mm-hmm. On est en retard, puis remarquez, le gouvernement du Québec, c'est pas le seul gouvernement qui est en retard, c'est la modernisation des lois par rapport à l'Internet. Ouais, ben c'est dur, on a bien beau être en 2018, ouais. Mais tu sais, c'est touché, puis les cas d'école n'existent pas encore vraiment. Mm-hmm. Puis, les comités, c'est long. Oui, mais s'il y a une raison pourquoi c'est long, c'est que c'est touché. Ouais. Puis tu sais, c'est normal aussi qu'il y ait des affaires qui repassent devant les tribunaux après, qui soient contestées, puis qu'on refasse des modifications, puis tout ça, c'est de même, ça marche. Ben oui. Bref, tout ça pour dire que c'est ça, je parlais d'énervage de poils de jambe. Je pense que des deux côtés, des fois, il y a un peu de... Ouais, moi, tu sais, je trouve qu'on devrait pas avoir un diplôme pour avoir une job. Il faudrait que tout le monde puisse avoir tous les jobs qu'il veut. Ben, c'est ça, tu sais. Ça me demandait, c'est... C'est un peu ça qu'il dit des fois aussi, ouais. En même temps, tu sais, ouais. Puis... tu sais, c'est normal d'avoir des exigences pour un poste, ouais. Faut juste que les exigences fit avec ce que le poste demande. Avec ce qu'il recherche, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu sais... regarde, t'engages quelqu'un pour être agent de publicité, mettons, par exemple. Je sais pas exactement c'est quoi le poste, mais tu t'attends pas à ce que cette personne-là, mettons, au Québec, tu t'attends pas à ce que cette personne-là soit capable de faire la comptabilité au complet de l'entreprise. Mais non, c'est ça. Par exemple. Mais ça se peut qu'il y ait des liens avec des gens qui parlent en anglais. Ben c'est oui. Ça. Ça se peut. Fait que c'est normal de dire, ben, ah. Ça serait un gros atout, sinon tu gérerais de. Ouais. T'sais. Bref, mon idée de mur, non? Ben, construit par des anglophones canadiens. On va après le Trumpistan, le Québécistan. C'est hein. Ça. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien Gartin. Ben, de rien. C'était vraiment informatif. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Merci d'être là dans ta case, puis d'être fiable et sympathique et bon. Mon Dieu, t'es bien. Tu me touches des fleurs à matin. Ouais, ouais, mais là, faut bien se dire. Tu cherches une date à Saint-Valentin, toi? Non. Tu sais que j'en ai une, moi. Ouais. Ouais, moi, non, j'en ai pas. Et oui, j'en cherche, mais pas toi. C'est ça. Hein? Pourquoi tu me parles de ça? Oh. Alors, on te retrouve la semaine prochaine, mercredi, à 7h30. Oui. Dans ta case horaire. Pour le ou à 7h15. Ou Hey, c'est un... Non, je veux dire, je vais peut-être me pointer avant. Ou... Oui, oui, ben oui, mais viens avant. Participe même avant, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Manger quand je vais être capable. C'est ça. Quand le café avec va être bien vite. Ouais. Hey, ça, là. Ouf. Faut qu'on c'était pas facile café. À matin. Ouais, là. Ça prend une pause, là. On attend encore, ouais. Là. On envoie Tania là-dessus, on prend une petite pause. On s'en va entendre ça, puis après ça, on revient avec plus d'assemblages requis, entre autres la chronique de Tania. Oh. S'en vient sur quoi déjà? Les Olympiques et. Ben là, on est quoi, là? On est le 14 février, Mathieu. La journée de l'amour. Et voilà. Fait que Tania is gonna turn Tania. Ouais. C'est ça. Je suis incapable de le prononcer. Pas dans ce sens-là. Non. Dis-je avec un sourire coquin. Tu vois, il n'y a pas besoin de parler anglais pour. Non, il y a besoin pour dire Tania is gonna turn Tania. Bref. Essayez de faire une maîtrise sans parler anglais d'ailleurs. C'est ça. La documentation ouais, scientifique n'est pas hein? En français. Ouais. Bref, allez, on revient. Aujourd'hui. Aujourd'hui. suis venu te dire que tu peux changer. Personne 2! Mm-hmm. Dos! Dos! Ah, ils sont là truqués. Pourquoi deux, je sais pas. Oh, on n'en a aucune idée, honnêtement. Ok, oui, peut-être que c'est le fun d'en avoir deux, mais tu sais, des fois, t'as juste besoin d'une seule. T'sais. Oui, c'est vrai. Genre Tania Beaudin. Oh. Hein, avec Tania is gonna entertain, yeah! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna dream! Là, j'ai entendu dire que tu vas toi aussi me déprimer en me parlant d'amour. Là. Mais je suis pas certaine que je vais te déprimer, Mathieu, parce que oui, c'est la journée mondiale de l'amour, bien évidemment. Mais si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et ça se passe pas à merveille présentement, peut-être que c'est pas nécessairement votre journée préférée. T'sais. Non. Si on regarde ça comme ça, je pense qu'on est quand même une couple dans le même bateau, à savoir qu'on coule aujourd'hui. Et il y a des couples qui ont quand même des mauvais comportements. Il faut quand même essayer d'éviter ces comportements-là pour avoir des relations amoureuses qui sont saines et qui sont un petit peu, protégées de tout drame, disons ça comme ça, ou de toute rupture qui pourrait éventuellement popper devant vous. Exactement. Peut-être pas de stock, mais rupture d'amour. Ben écoute, ouais. Hein, ça, c'est possible. On va utiliser les vrais mots, c'est casser. Là, pis, C'est ça. Se laisser, c'est des choses comme ça. Hit the rope, Jack. Exactement. L'amour, c'est quand même assez essentiel à la vie, apparemment. Donc, nos relations affectives et nos relations amoureuses, bien, ça procure un bien-être général. Je pense que ça, peu importe qui se retrouve c'est ou non fun. En amour, ben oui. On va être capable de se le dire. C'est bien, c'est le fun, c'est plaisant. Et ça participe aussi à notre santé parce qu'on dirait qu'on se sent un petit peu plus vivifiant lorsqu'on est en amour. Donc, les relations amoureuses participent un petit peu à la construction sociale de chacun d'entre nous et en même temps, on réinvente un petit peu notre histoire, nos souvenirs à travers de cette fameuse relation-là. Il y en a qui mentent, c'est pas grave, mais bon, hein, on se réinvente pareil, c'est ça le but. Cependant, l'amour, ça peut parfois rendre aveugle. Ça peut aussi nous apporter un lot d'insécurité. Ça peut apporter un lot d'usure aussi. Des croyances qui vont être assez différentes où ça va faire un petit peu de friction parfois. Donc, les relations, c'est pas toujours aussi facile que la plupart des gens tentent de nous le faire croire. Hein? Dans les films et dans les... Ben, dans les films ou dans les autres générations ou dans les couples en général. Ah, j'avoue, oui. Ou sur les médias sociaux, t'as sur l'impression que le couple sociaux, est parfait. Exactement. Donc, il y a des tonnes de choses qui arrivent dans la vie et il y a certaines de ces choses-là qui peuvent même séparer les gens les plus proches. T'sais. Ça peut faire 25 ans, vous êtes ensemble puis du jour au lendemain, hop, hop, on voit que vous n'êtes plus en couple ça sur Facebook. Ça s'est écroulé. Donc, on a pu faire l'expérience, en fait, de mauvais comportements au long de notre vie, que ce soit nos premières fois ou que ce soit encore nos premières mauvaises décisions. Lorsqu'on était jeune, on a décidé de fumer un petit joint en arrière de l'école. Hey. Ce sont des expériences de mauvais comportements et parfois, bien justement, comme je le disais, ça peut amener certaines séparations dans notre entourage et parfois pour des raisons qui semblent un peu banales, tu sais, on va se le dire. Mais il y a quand même une importance des relations humaines qui sort de cette fameuse idée d'amour-là pour la santé mentale. Parce qu'on trouve quand même une liste des choses qui peuvent remémorer qu'est-ce qui est facile de détruire dans une relation à laquelle on tient. C'est sûr que si on décide du jour au lendemain de se tenir à quelqu'un, ça fait juste 3 jours, tu le connais. y a peut-être matière à discussion ici, mais il y a quand même des choses qui peuvent déchirer des nouveaux couples. Il y a des couples aussi qui sont ensemble depuis des années qui vont être déchirés, comme je le disais tout à l'heure, après un bon nombre d'années. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains de ces comportements-là que je m'apprête à vous dévoiler ce matin. Et peut-être que vous allez essayer de faire attention. En fait, si vous êtes du style à vous reconnaître dans ces comportements-là, bien peut-être que ce soir, considérant le fait que c'est la Journée mondiale de l'amour, vous allez peut-être faire un petit effort. T'sais, on sait pas, il y a peut-être des bonnes résolutions, on va sortir de ça. Tant mieux si ça fonctionne. Sinon, ben tant pis pour vous, vous serez célibataire demain matin. C'est ça, c'est bien. Et je pense que oui, c'est la Journée mondiale de l'amour, mais probablement aussi que c'est la semaine où il y a le plus de ruptures avant la Saint-Valentin. Ah, je sais pas. Ah oui? Ben, je sais pas. Parce que tu veux trouver quelqu'un de nouveau pour la Saint-Valentin? Parce que tu veux être seule, tu préfères être seule? Parce que tu veux pas dépenser. Ben, voyons donc. Ben, en tout cas, moi, je regarde ça comme ça. Il y a une tendance présentement dans mes amis. Tout le monde se quitte, genre, une semaine avant la Saint-Valentin. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein? Mais bon, on va essayer ensemble de se rappeler le plus souvent possible les bases d'une bonne relation. C'est ça qu'on va essayer de faire ce matin. Et si vous réalisez qu'il vous manque deux, trois petits conseils, là, ben c'est là, c'est en plein là, c'est que ça se passe. On va essayer de reconstruire votre histoire, d'assumer vos propres choix. C'est jamais utile, en fait, de rectifier certaines mauvaises habitudes de notre quotidien. Il faut le savoir. L'objectif, en fait, ce matin, là, c'est de vous rappeler de ne pas faire l'erreur de se noyer dans des comportements ou encore de regretter de façon amère des choses qui sont facilement faisables ou qui sont facilement identifiables aussi chez vous parfois, modifiables. Peut-être que vous allez reconnaître aussi votre partenaire ou votre conjoint, qui sait, et là vous allez sonner une petite cloche, fait que vous allez le laisser ce soir. Non, c'est pas vrai. vous allez pouvoir aussi vous protéger par la même occasion après cette chronique-là. Les points non négociables sont l'intimité, la sexualité, le respect, les raisons pour lesquelles vous aimez votre conjoint. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait venir à l'encontre de ça. Lorsque c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Il n'y a pas grand monde qui peut vous juger sur l'intimité que vous avez. Pas grand monde qui peut juger votre sexualité, le respect que vous avez un envers l'autre ou tout simplement envers vous-même. Et les raisons pour lesquelles vous aimez quelqu'un, mais c'est à vous. Hein? C'est pas à votre voisin d'appartement à juger le couple ou les raisons pour lesquelles vous êtes avec cet homme. Bon, cet homme ou cette femme, hein, disons-le. Oui, cette personne-là. Exactement. Donc, le premier comportement qui peut ruiner une relation, c'est être trop critique. En fait, une des plus grandes causes de perte d'énergie, c'est la critique. Donc, c'est un phénomène naturel chez les humains. Et la critique au sein du couple, c'est comme un venin un petit peu là, qui est jeté en plein visage. Si vous n'avez jamais rien à dire de gentil à votre partenaire ou à vos amis, bien, premièrement... Sachez-le, vous allez les blesser et qu'ils le disent ou non, vous allez faire baisser leur estime de soi aussi. Donc, c'est quelque chose qui crée une espèce de fossé entre vous et entre les autres et c'est beaucoup de temps perdu. Donc, avant de faire des remarques ou encore avant de faire des critiques, même si au fond, là, vous souhaitez exprimer votre avis ou aider votre partenaire, bien, essayez de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose et posez-vous la question essentielle de savoir si votre critique est porteuse de votre pour votre couple, est-ce que ça va améliorer quelque chose? Et si c'est le bon moment pour le dire? souvent, on va parler trop vite. On va laisser nos émotions prendre le dessus. Et si vous souhaitez protéger votre relation, en fait, il ne faut pas critiquer à chaque occasion que vous avez de critiquer. Vous allez passer votre temps à critiquer. Ben oui. Mais si vous utilisez le ton avec de l'humour un petit peu comme approche, mais certaines fois, ça peut alléger les choses. Pas passif-agressif, là. Exactement. Critiquer, c'est comme poser des mines ou des bombes, OK? Il faut faire attention. C'est à retardement. C'est un jardin de relations. Si tu veux pas que ton jardin saute, pose-en pas trop, OK? Donc, une recette efficace, bien, taisez-vous. Lancez-vous dans l'écriture. Donc, chaque jour, en fait, ou chaque fois que vous pensez que c'est utile, écrivez ce que vous conseillez ou ce que vous souhaitez dire à votre partenaire ou à votre conjoint. On s'entend quand je dis écrire, c'est pas un message texte. Faut pas envoyer ce message-là par la suite. C'est une critique écrite que vous allez pouvoir peut-être mieux repenser par la suite. Vous allez peut-être pouvoir mieux la reconstruire aussi. Donc, vous allez prendre du recul. Vous allez avoir le loisir de trouver la bonne manière d'en parler. Et surtout, vous allez savoir si c'est véritablement nécessaire. Ouais. Donc, dans le cas contraire, vous allez peut-être vider votre sac directement là, sur le coup. Vous allez non seulement pas éviter de blessures, mais vous allez peut-être vous ramasser tout seul dans votre salon le jour de la Saint-Valentin. Donc, tu sais, de ce côté-là, pas être trop critique, s'il vous plaît. Il faut pas être trop rabat-joie et trouble-fête. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, quand on a envie de vivre une ambiance qui est pourrie, qui est plate un petit peu dès le réveil, c'est rare. Tu sais, je pense pas que je connaisse grand monde qui veulent se lever le matin puis qui file pas. Mm-hmm. Je pense pas que je connais quelqu'un qui veut se lever le matin puis qui se dit « Ah, ma vie, c'est de la merde! » Tu sais, si vous avez répondu oui à ces questions-là, premièrement, posez-vous la question est-ce que vous allez bien? Ou consultez un médecin psychiatre, peut-être dans les meilleurs délais, mais dans une relation, si vous êtes toujours trop négatif, les choses vont pas très bien fonctionner, sachez-le. Donc, dans une relation, l'environnement trop négatif, ça devient toxique. C'est un petit peu la même chose que les bombes à retardement avec les critiques, en fait. Personne veut être dans une relation toxique. Et les comportements négatifs, ben c'est inscrit comme dans nos comportements. Si vous corrigez pas ces fameux comportements-là, bien évidemment, vous allez le regretter. Vous allez peut-être avoir tendance aussi à croire que vous êtes incapable de trouver l'amour stable. il s'agit peut-être pas de votre façon de vous comporter dans vos relations, mais les comportements négatifs, c'est quoi? Parce qu'on a beau dire « Évitez les comportements négatifs, faites pas ci, facile faites pas ça. » Facile à dire. Tu mets le doigt où, là, sur un comportement négatif? Bien, on peut définir, en fait, ce poison de différentes manières. Comme par exemple, la tendance aux paroles trop critiques et à la négativité, comme on le disait. La volonté de saboter des petites réussites et les gloires des autres. Ah, ah oui. Pas nécessairement les vôtres, mais les siennes. Pour que t'aies l'air meilleur qu'eux autres. Se sous-estimer ou sous-estimer les capacités et la force des autres autour de nous, donc de penser que votre conjoint ou votre conjointe ne sera jamais capable de faire quelque chose, c'est pas mal un comportement négatif. OK? User du mensonge, c'est un comportement négatif. Même les petits mensonges blancs, les white lies, là, genre, exactement. Ah, c'est pour la protéger. Là. Salutations à mon ancien copain. Ah ouais, OK. Pratiquer l'intimidation. Ça se fait aussi parfois. C'est sur mon ancien copain, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais pratiquer l'intimidation, ça se fait parfois au sein d'un couple. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un comportement qui est très négatif. Vouloir tout contrôler, ça aussi, c'est un comportement qui est très négatif. Donc, le pire, en fait, je pense que c'est la violence verbale ou la violence physique. Ouais. Ça, c'est le summum du comportement négatif. On s'entend, on veut pas de ça dans une relation. Donc, si vous vous retrouvez présentement dans ça, que ce soit vous qui soyez victime de comportements négatifs, il faut que ce soit vous qui le faites au sein de votre couple. Sortez donc, là, c'est le temps. Ouais. C'est la journée mondiale de l'amour. Aimez-vous. Ah, yeah. Le troisième comportement qu'on pourrait avoir au sein d'un couple qui serait sensiblement mauvais, c'est de ne pas budgétiser correctement. OK. Tu parles de finances, là. Bien, l'argent, c'est un sujet qui fait partie des relations amoureuses au premier abord. Mmh. Souvent, la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » va venir dès la première date. On s'intéresse à savoir comment les gens gèrent leur compte en banque. Mais pourtant, les bons comptes font les bons amis, c'est ça que dit le proverbe. Et cette locution, c'est pas si débile que ça, en fait, parce que l'argent entre en jeu dans les relations, et même si ça peut peut-être en apparence être un détail, bien, selon votre origine sociale ou vos revenus, ça peut changer quelque chose. Si vous êtes un mauvais gestionnaire avec votre argent, votre partenaire va devoir toujours faire la différence. Au début, c'est drôle, c'est le fun, on commence à se dater, m'a payé pour toi, que t'as pas. Ouais. On apprend à se connaître, on partage nos défauts principaux. Par contre... on peut s'emporter là-dedans. Ben, ça peut causer des problèmes qui sont quand même assez sérieux. La plupart des relations durent, comme celle-là, là, ceux où on budgète mal nos affaires, ça dure pas très très longtemps. Sachez-le, il y a toujours quelqu'un qui va se tanner de payer pour vous. Donc, si vous êtes censé partager les factures et que votre conjoint ou votre conjointe devrait pas avoir à payer, en fait, posez-vous une question? tu sais, pourquoi est-ce que je paierais cette facture-là au grand complet toute seule? Il faut que ça soit clairement discuté au sein d'une relation aussi. Vous allez courir vers des problèmes qui vont être matériels, mais qui vont avoir des arguments aussi dans les jours sombres, dans les prises de tête, là. Tu sais, messieurs, quand vous dites qu'une femme est capable de se remémorer quelque chose 6 ans après, c'est souvent relié à l'argent que vous dépensez. Donc, dans les conflits de couple, les prises de tête sont souvent reliées à l'argent. Laissez pas traîner des casseroles inutiles qui pourraient participer à la chute de votre relation, c'est-à-dire commencer à payer vos choses de façon égale, s'il vous plaît. Par la suite, combien est-ce qu'on connaît de gens qui sont trop paresseux dans une relation? Être paresseux dans une relation, c'est pas super bon pour la survie de votre couple, OK? TV, réseaux sociaux, ce sont des poisons pour les relations de couple. Si vous êtes paresseux, tant mieux, félicitations, mais vous êtes peut-être mieux de rester célibataire. Ou refuser encore d'aider votre partenaire à faire des tâches. Si vous habitez ensemble, ça devrait être banal pour vous que de vous dire que vous allez aider votre partenaire à faire une tâche. Ça peut aussi être un problème de pas faire le ménage à deux, là, sachez-le. Mais pour éviter toute confusion, tout conflit au sein de votre couple, vous devriez pas avoir à faire tout le nettoyage et tout le rangement tout le temps tout seul. Ça tue pas personne de s'organiser un petit peu, de sortir les poubelles. Même si vous êtes le seul ou la seule à travailler par choix ou parce que vous cherchez un emploi, en fait, ça devrait être légal et personne ne devrait se sentir piétiné dans une relation comme celle-là. Donc, bien entendu, si une des deux personnes du couple a un temps considérable devant lui et trippe sur le rangement, là, on trippe sur l'organisation, on a un équilibre qui peut se construire autour de nous, merveilleux. Mais il faut en parler de façon claire, encore une fois. Donc, il faut jamais oublier de vous laisser aller dans l'excès. Sans dialogue ou en se reposant sur les acquis, on prépare quand même un déclin qui va être futur. Tu sais, si vous êtes le gars dans la relation, vous vous dites « Non, mais ma blonde, elle lave tout le temps la salle de bain, c'est correct! » Peut-être cette année tout le temps laver ta salle de bain et de rebaisser ton couvercle. Il y a des couples qui sont heureux à choisir chacun leur tâche. Ben exactement. T'sais, même si vous êtes maniaque du rangement ou vous êtes maniaque bordélique, là, ben corrigez-vous. Prenez votre courage à deux mains en fait pour essayer de rester raisonnable dans une relation comme celle-là parce que c'est sûr et certain que là aussi, vous allez peut-être arriver vers la fin de votre couple. Ouais. Sinon, il faut ignorer les moments qui sont quand même assez importants et trop évidents. OK? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, il faut communiquer. Je pense que c'est la base de pas mal n'importe quelle relation, que ce soit un couple ou non. La communication, c'est quelque chose qui est important. Mais la communication muette, ça tue l'amour, sachez-le. Okay. Donc, si vous êtes une de ces personnes qui ignorent les autres quand elles sont en colère, vous allez être une personne très solitaire. OK? Vous allez être une personne qui va rester longtemps toute seule. Elle lève la main. Dans la vie, vous devez apprendre à travailler à travers les problèmes. Les ignorer, ça fait juste empirer les choses. D'accord? Donc, on tient à rappeler, ignorer les problèmes, ça fait juste empirer les choses. Merci. C'est assez deux fois, pas trois c'est fois. C'est assez deux fois. Il faut se refermer sur soi, ça rend malade parfois. Et pratiquer une communication muette, ça marche pas avec personne. Hein? On va s'entendre, là, si vous essayez de communiquer pour quelque chose et il y a absolument rien qui fonctionne, arrêtez de discuter, ça sera pas la solution. Vous devez dialoguer par étapes, donc sans jamais laisser la violence ou encore le regret, planter des petites graines de douleur là, au fond de votre cœur. Donc, c'est un type d'attachement qui va être détaché, bien évidemment. Et on va essayer d'éviter les moments importants dans votre relation qui ont une grande chance de faire venir le chaos et le manque d'harmonie. Donc, si, par exemple, vous êtes un gars ou une fille qui vous êtes séparés d'un ancien conjoint ou conjointe. Mm-hmm. Ça fait quelque temps déjà, mais ce conjoint ou cet ex-conjointe revient à la charge quelques mois après. Vous êtes dans une nouvelle relation, puis vous vous dites que vous pouvez être amis. T'es pas d'accord avec ça, toi? Mais posez-vous la question, est-ce que mon conjoint présent ou ma conjointe présente va triper sur la situation? OK. Quand on parle de communication muette, c'est de prendre pour acquis que quelqu'un va être du même avis que vous. Parce que tu penses que tu connais assez la personne pour connaître son opinion. Mais oui, exactement. Il y a jamais personne qui connaît quelqu'un assez pour savoir son opinion. Faut que tu le demandes. Faut lui poser la question. Okay. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous allez réaliser que peut-être c'était pas une si bonne idée d'aller boire une bière jusqu'à 3 heures du matin avec votre ex. Peut-être pas. Peut-être pas. Par la suite, un des comportements qui est quand même assez mauvais pour un couple, c'est de mettre vos désirs au-dessus de vos partenaires. Mmh. Si vous mettez les choses que vous voulez en priorité des besoins de votre partenaire, c'est que vous êtes égoïste, sachez-le. Vous allez devoir tous les deux avoir besoin des besoins satisfaits et vos désirs d'être réalisés aussi dans une certaine réalisation de couple. Donc, vous allez devoir faire les deux en sorte que les choses fonctionnent de façon correcte. Si vous avez tendance à toujours vouloir être la personne privilégiée et, par exemple, la personne qui est mise de l'avant, il y a de fortes chances que pour votre partenaire, on se sente humilié ou repoussé. C'est un petit peu comme se sentir comme la cinquième roue d'une charrette. Il n'y a pas personne qui tripe à se sentir comme ça. Donc, il faut vous poser certaines questions. Est-ce que être plié au bon vouloir des autres en permanence, ça vous semble juste? C'est une des premières questions que vous pouvez vous poser. Par la suite, est-ce que vous seriez capable de supporter ce que vous faites subir à votre conjoint? Posez-vous la question à l'inverse, tu sais. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je l'accepterais? Pas sûr. Pour éviter, en fait, ce type de comportement-là, il faut développer de l'empathie. Il faut apprendre à être dans un échange équitable. On dirait que tu lis, tu fais comme genre « Ouais! » Ouais, mais il faut pas croire que vous êtes le centre de l'univers, évidemment, dans votre couple. Ça, je pense que si vous sentez que vous êtes le centre de l'univers dans votre couple, consultez un psychiatre, s'il vous plaît. Mais sinon, même si vous avez des arguments qui semblent être en béton, là, il faut apprendre que vous n'allez peut-être pas toujours avoir raison. Il faut penser d'abord à votre bien-aimé, à votre douce ou à votre petit doux. Et être la meilleure méthode en amour, bien, c'est encore une fois de communiquer. Donc, vous allez être récompensé à chaque fois que vous allez tout simplement décider de mettre un certain compromis à ce que vous êtes en train de faire ou à ce que vous êtes en train de penser. Rappelez-vous un sketch, là, d'humoriste qui parlait d'air lousse. Tu m'as déjà parlé de ça, j'ai pas vu le sketch, c'est quoi ça? C'est un... Louis-José Hood? En fait, c'est... Non, c'est pas Louis-José Hood, si je me souviens bien, c'est Patrick Huard. OK. Qui parlait de air lousse chez les messieurs, donc c'est-à-dire que de faire des compromis, parfois, ça amène du temps. Ta blonde, elle va être contente à un moment donné de te dire « Ah, ben oui, tu sors avec tes chums à soir. » Mais si tu sors tout le temps avec tes chums, puis que tu fais jamais rien avec ta blonde... T'en auras pas d'air lousse. Tu vas être dans le négatif. Ouais. C'est comme des air miles. Ouais. Il faut faire certaines actions pour pouvoir gagner des points. Ouais. Donc, de ce côté-là, il faut y penser. Et la dernière étape des mauvais comportements pour un couple, là, sachez-le, c'est aujourd'hui que vous allez savoir si votre couple dure avec cette chronique-là, c'est d'être trop ouvert sur vos problèmes. Ah oui. OK? Gardez-vous une petite gêne, s'il vous plaît. Il ne faut pas s'aveugler dans l'auto-victimisation. Je pense qu'on en parle souvent. Là. Arrêtez de penser que vous êtes la seule victime ou que vous êtes la victime. Si vous utilisez constamment une technique de victimisation, bien votre piège va se refermer sur vous-même. Vous allez... N'oubliez pas aussi de parler de vos problèmes. Oui, c'est une chose quand même assez importante. Vous devez vous ouvrir, vous devez discuter. Mais si vous utilisez tout le temps là, cette fameuse technique de victimisation pour vous faire plaindre ou pour vous faire privilégier auprès de votre conjoint ou conjointe, votre relation est vouée à la perte. Je suis d'accord, c'est pas le fun. Sachez-le. L'auto-victimisation, en fait, c'est un processus qui est psychique. C'est une technique de manipulation qui finit généralement vraiment mal. Il n'y a jamais rien qui finit bien par la manipulation. Et préférez la responsabilité, en fait. Vous allez être beaucoup plus épanoui. Posez des questions en rapport avec les conseils. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire si tu étais à ma place? Au conditionnel. Au conditionnel. Essayez de ne pas vous méprendre, hein, même si vos problèmes sont vraiment réel, là. Probablement que j'ai les miens aussi, probablement que t'as les tiens. C'est beau, c'est correct. J'ai pas besoin de ta pesanteur de problème. Tellement pas! Donc, si vous avez des douleurs profondes, essayez aussi de trouver de l'aide auprès d'un professionnel. C'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis 15 ans qu'il est un professionnel de la santé mentale. C'est ça. OK? Plutôt de croire que votre conjoint est capable justement d'assumer là, toutes vos souffrances et de les guérir pour vous, bien, allez chercher des outils ailleurs. Parce que ça se peut qu'à un certain moment, au bout de 15 ans où on vous a entendu dire que vous aviez des problèmes, que vous étiez pas bien avec vous-même, on vous dise « Hey! » C'est parce que je peux pas t'aider, là. C'est ça. Hein? C'est bien beau la générosité de t'écouter parler, mais à un moment donné, aide-toi. C'est okay? ça. Donc, il n'y a aucune honte, en fait, à consulter un psychologue, et c'est ça qu'il faut comprendre. Même si on est la seule personne dans le couple à devoir consulter un psychologue, il n'y a rien de mal à ça. Non. Par ailleurs, si vous vous plaignez simplement pour vous plaindre, arrêtez tout de suite, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que c'est tu lourd, te plains hein? sans nécessairement avoir une bonne raison de te plaindre? Puis tu sais, genre le fameux « Ouais, mais tu sais, je suis pas de même d'habitude dans la vraie vie. Ouais, mais moi, j'ai juste connu ça, là, puis ça fait comme, tu sais... » Puis à un moment donné, c'est comme lourd. À un moment donné, c'est très, très lourd. Surtout au début d'une relation. Souvent, on va voir ça au début d'une relation. Donc, il y a toujours au moins... Sors le plus vite possible! Ben, c'est ça. On dit souvent, il y a deux côtés à une médaille. Oui. Bien, il y a au moins trois côtés à chaque histoire. OK. Votre côté, le côté des autres et la vérité. Oh, c'est beau, ça. Donc, râler, oui, ça peut être nécessaire. Ça fait partie de l'être humain de devoir juger, de devoir dire certaines choses. Et personne n'est parfait, bien entendu. Mais se refermer sans cesse dans une technique de victimisation, c'est la cause d'une grande douleur. Et la plupart des gens conviennent que les émotions peuvent être causées par des événements qui vont être spécifiques et que la personne qui a fait l'expérience va être consciente de la cause. Mais des recherches vont suggérer en fait que les émotions peuvent aussi être inconsciemment évoquées et manipulées. On peut s'auto-manipuler en passant. Ah oui. C'est possible, surtout dans le genre où les émotions sont là. Mm-hmm. Donc, de penser qu'on fait une bonne chose ou de se manipuler à faire une bonne chose selon vous, ça revient à la même affaire que de devoir dire « Ouais, peut-être je devrais consulter. Mm-hmm. » Quand les émotions sont épanouies, les gens vont prendre conscience de leur émotion. On va essayer de percevoir nos propres actions et nos réactions corporelles aussi. Donc, de cette façon-là, lorsque les émotions vont être faibles, les gens remarquent pas nécessairement nos actions, nos réactions corporelles. On va être tout simplement moins liés à nos émotions. On va essayer de rechercher les émotions qu'on avait. Donc, de cette façon-là, à un certain moment, peut-être qu'on n'écoutera pas les émotions du moment. On va tout simplement vouloir retourner aux émotions d'avant. Et c'est là qu'on va s'auto-manipuler. Donc, il est primordial de faire attention aux petits détails des comportements qu'on a d'auto-victimisation à l'intérieur. Donc, d'un couple. Cherchez pas à contrôler votre conjoint, ni à modifier des fondements de sa personnalité. Si ça fonctionne pas avec vous, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il faut prendre le temps de comprendre et d'agir aussi avec douceur. Là. T'sais, il faut pas y dire « Hey, t'es une folle, là! Hein? Je te quitte! » Après 15 ans, c'est pas vraiment comme ça qu'on veut dire les choses. Il faut comprendre, il faut discuter encore une fois. Peut-être faire comprendre à la personne que son comportement fonctionne juste pas avec le nôtre. On voit pas les choses de la même façon. On a un comportement qui est complètement différent. On a une façon de penser qui est complètement différente. Et oui, ce genre de réflexion-là peut arriver après certaines années dans un couple. Par rencontre ou tu... Mais parce qu'au début, tu fais des compromis. Ouais. Au début, tu veux plaire à la personne. Au début, tu veux absolument que ça fonctionne. T'es peut-être même trop dans l'idée de vouloir finir en couple. Oui, c'est ça. C'est l'idée d'être en couple et non pas la personne, des fois. Hein. Exactement. Donc, de cette façon-là, oui, c'est beau après deux semaines de te dire que tu veux faire des compromis. C'est le fun, c'est correct. Et tu dois faire des compromis au bout de deux semaines ou au bout de trois mois de relation pour se dire que peut-être tu vas devenir un couple sérieux. Mais quand ça fait 25 ans que tu fais des compromis puis t'es encore en train de chialer sur ton conjoint ou ta conjointe... Pose-toi des questions. Oui, vous avez dit à la vie, à la mort, là, au jour où vous êtes marié, mais ça veut pas nécessairement dire que vous pouvez pas vous laisser. Tu veux pas mourir malheureux non plus. Hein? Exactement. Ouais. Tu veux pas mourir avec des regrets. C'est Et ça. Peut-être que de rester avec une personne comme celle-là, ça va t'amener des regrets. Ouais. Qui sait? Donc, le secret du bonheur, gardez en tête que c'est simple. Personne est parfait. Et on apprend chaque jour. Donc, la recette du bonheur, c'est pas la même pour tout le monde. Il faut arrêter de penser que ce qu'on vous montre dans les films de Disney, ça va être la même chose pour tout le monde. Mais les grands principes qui permettent un épanouissement en couple, c'est quelque chose de commun, au plus grand nombre. Donc, dans la vie, tout se passe pas exactement comme prévu. Il va y avoir des revers, il y a des choses qui arrivent. On va gâcher parfois notre vie à cause de la surabondance, oui. Et on va baser notre bonheur, en fait, sur des résultats qui vont être spécifiques, qui vont nous mener à la misère. C'est des choses qui arrivent. Donc, le défi auquel on fait face, comme étant la plupart des êtres humains, c'est qu'on doit se débrouiller à notre manière. Et cette façon de fonctionner va limiter parfois l'être humain. On n'essaie pas d'obtenir tout ce qu'on veut de façon directe. ça se peut qu'on passe par différents chemins pour l'obtenir. Et si vous prenez le temps de respirer, si vous prenez le temps de définir votre propre succès et votre bonheur, vous allez être beaucoup plus serein. Morale. La morale. La morale. C'est ça qu'il faut. Il y a toujours quelqu'un mieux que soi et vous n'allez jamais avoir le temps de tout faire. Tellement. Voilà. Hey, merci, Tania. Ça fait plaisir. Ça nous fait prendre conscience de mes torts. C'est quoi, c'est Kevin Parent, c'est qui chante ça? Je sais pas. Comment se prendre conscience de mes torts? Bref, merci, Tania, pour cette chronique, Tania is going to Tania, sur l'amour et les comportements. Je pense qu'on est tous soit victimes, soit l'accusé. On va dire ça comme ça. Ça se peut, ça se peut. Ouais. Des fois, il faut faire des choix entre, par exemple, je sais pas, deux choses, comme, mettons, l'amour ou l'argent. Hein? Donc, voici oui. Gord Downie et Love Over Money à son lingerie. Comme toujours, c'est le mot-clé hashtag négligé. Voici le blog des palmarès, c'est fou. C'est le bloc C'était fou, donc le petit bloc musical, oui, on retourne dans le passé. On est rendu cette fois-ci, je me rappelle plus à quelle année on est rendu. Je pense qu'on est rendu en 2009. Mais bref, c'est pour célébrer le 20e anniversaire de C'est fou, hein, la station que vous écoutez probablement en ce moment. Là. Espérons-le. Ben oui. Sinon, bonjour. Quand même. Donc, attends, j'actualise ma page et on est rendu, oui, en 2009. Donc, on va aller entendre le numéro 1 francophone et le numéro 1 en anglophone. Le Roi Poisson ainsi que Red Jumpsuit Apparatus tout de suite dans le bloc qu'on appelle C'était fou. Je suis vraiment pas aussi préparé que je suis d'habitude pour ce bloc-là. Le voilà. Mmh. Et cette fois-ci, on recule à la rétrospective 2009. Yeah. C'était le bloc C'était fou de la rétrospective des palmarès C'est fou 89,1 FM. En 2009, je pense que t'as particulièrement aimé Red Jumpsuit Apparatus. Mathieu! Tranche de vie. Le feeling que tu m'as get ce matin, là, c'est incroyable. C'est la Saint-Valentin, c'est juste pour ça. Ouais, c'est ça. Mais j'étais une grande fan de Red Jumpsuit Apparatus dans le temps. Ah ouais? Oui. T'écoutais la pièce... Face Down. Face Down. C'était une de mes pièces favorites. Puis là, évidemment, ben, je l'ai googlé en même temps qu'on était en train de faire jouer ça. Et je suis tombée sur plein d'autres bands que j'écoutais, comme Bullet for My Valentine, Three Days Grace. Et c'est incroyable. Un beau moment de nostalgie, ce matin. T'avais quel âge à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Écoute, je suis en secondaire 2. Ouais. Je devais avoir genre 14-15 ans. Du côté emo. J'étais tellement emo. Tellement, mon gars. Ah oui. J'avais un coq sur la tête. Un coq! J'avais genre du gros crayon noir en dessous des yeux. Et bien évidemment, le gros collier de perles blanc et noir avec des pantalons d'armée verts. Hey boy! Ouais, c'est... Est-ce que ça te manque? Pas vraiment. Je suis tombée sur une photo récemment. Et oh mon Dieu que j'ai ri. Oh mon Dieu. Tu sais, ça te prenait une ligne noire puis un petit peu de rouge en dessous. juste pour faire comme si t'avais vraiment pleuré vraiment longtemps parce que c'était ça, en fait, être emo. Quel bon moment. Je veux voir ça. Je tiens à m'excuser auprès de mes parents, là. T'étais désagréable. Mais ça devait tellement pas être plaisant de me sortir habillement. La honte. Hey, mais la coupe de cheveux, c'était horrible. Puis en plus, tu aplatissais ça à plaque, là. OK, mais est-ce que tu mettais... Que ça... C'est quoi, c'est des œufs, je pense? Du gel. OK. En fait, moi, j'utilisais du gel. Puis je le plaquais. Ouais. Fait que là, bien évidemment, tes cheveux brûlaient, t'sais. Ouais. Puis par la suite, tu les bourriffais un peu pour que ça fasse un beau coq. Mais il fallait que t'ailles chez la coiffeuse souvent, là. Ça repousse, cette affaire-là. Puis tu sais, t'avais la grande frange aussi, là, qui passait directement... Sur un œil. Sur un œil seulement. Ça, c'est une grande frange qui est restée longtemps dans ma vie aussi. Puis toujours habillée de noir. Ouais, j'avais genre des chandails de Ben que j'écoutais même pas. Ah! T'étais vraiment poseur. Genre un chandail de Nirvana. T'étais wannabe. Ah, j'étais vraiment une wannabe emo. Mais j'aimais donc ça. Ouais. J'avais des souliers de skate noir. Mais tu faisais pas de skate. Je faisais... Ben, j'ai déjà fait du skate, mais plus jeune que ça. Ouais. Mais écoute, hey, wow. Hey, avec les ceintures à trous, là, métal... Pour aller avec les pantalons d'armée verts. Puis bien évidemment, t'avais soit des bottes vertes ou des souliers skate noirs. Oh mon Dieu, hey, ça devait être horrible. C'était pas en 2009, ça, là. Parce que là, la chanson qu'on a entendue de Red Jumpsuit Apparatus, You Better Pray, c'est sur l'album Lonely Road qui date de 2009. Ouais, non, c'était un petit peu avant ça, ouais, si je me souviens. Sûrement, c'était pas leur premier album. Avant ça, on a entendu en francophone Le Roi Poisson avec Chien Galeux sur l'album Le Roi Poisson. Tu vois, ça, j'écoutais pas. Non, c'était de l'underground. En fait, ça l'est encore. Le Roi Poisson a jamais vraiment éclaté sur la scène. Malheureusement, parce que c'est super bon. C'était donc le bloc C'était fou pour 2009. Et maintenant, pour terminer cette deuxième heure de l'émission, retournons en musique un petit peu. On a eu le temps de jaser quand même, toi et moi. Dans la troisième heure, tantôt, on va se faire des chroniques maison. Parce qu'on n'a pas d'improvisation encore. Pas de Gabriel Béhoud. Non. On écoute nos amis de Vulvette. Hein? Voici La Garçonne. Peut-être qu'il y en a des imos qui écoutent ça. Peut-être. Ça. Peut-être pas aussi. Peut-être pas. aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage équipe pour toi aujourd'hui. Mercredi 14 février 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, oui, l'émission d'aujourd'hui file à vive allure. Mm-hmm. À vive allure. En passant, un petit fait intéressant, notre ami Renard Frac, celui qui a composé la chanson qui joue en ce moment, notre chanson thème de l'émission d'aujourd'hui, me dit que la vidéo qu'il a fait pour Assemblage requis, donc avec la chanson thème et une petite vidéo qui a l'air un petit peu psychédélique, je dirais, est rendu à 85 000 visionnements. Wow! Félicitations! Fait que c'est super cool. On va vous reposter ça sur Assemblage requis sur la page Facebook. La petite vidéo de Renard Frac. Assembly required. Colin, j'ai quasiment envie de prendre 3 secondes pour aller chercher ça. Est-ce que j'ai le temps? Je pense que oui. Aujourd'hui, on a le temps. Mais pensant oui, à notre ami Gabriel Béhoud qui n'est pas avec nous pour parler d'improvisation. Un jour, il reviendra. Il est tout le temps en train d'enseigner. Qu'est-ce que c'est? On a perdu aussi Alex Marchand. En passant, je pense qu'on l'avait pas dit en ondes qu'on l'a perdu comme chroniqueur. C'est vrai. Malheureusement. David Ferron, qui lui habituellement est à 8h30, déménage au jeudi à partir de cette semaine. Et quoi d'autre? Sébastien Gertin qui est passé de 7h à 7h30. Pas pire, ça? Bon. Donc, on se gâte avec la chanson Assembly Required de Renard Frac. On écoute ça tout de suite. Puis après ça, ça va être les instructions d'assemblage. On va se donner des conseils de vie. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. La pièce The Path par The Fractopus, c'est le groupe de Renard Frac, mais aussi René Gélinot à la guitare et la voix, Mathieu Boudreau à la basse et au synthétiseur, Renard Frac à la batterie, synthétiseur, mix et mastering, producteur Renard Frac, enregistrement et ingénierie, François Petitpas, enregistrement du drum, Mountain City Recording Studio et vidéo par Renard Frac. Vous pouvez aller retrouver la vidéo sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Même chose pour la vidéo thème d'Assemblage Requis. J'ai fait jouer la version différente qui est de 3 minutes et demie. C'est un début et une fin similaire à notre chanson thème, mais le milieu est assez différent pour bouger un petit peu plus. La version qu'on utilise comme thème est bien sûr faite pour être redondante dans le milieu. On se comprend, c'est un thème. Mm-hmm. Maintenant, toujours assemblage requis, c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage. On donne quelques petits conseils dans différents domaines et on essaie de les suivre le mieux possible. On va commencer en ouvrant tous Instagram. Mm-hmm. Tania et moi, je pense qu'on peut le dire, on est des fans d'Instagram. Ouais, ouais, c'est vraiment. C'est le réseau social le plus intéressant à regarder. Je pense que je commence à aimer pas mal plus Instagram que Snapchat. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. Je comprenais pas pourquoi t'aimais plus Snapchat. C'est quoi les avantages de Snapchat versus Instagram? Les messages, je te dirais. Ah ouais, j'avoue que la messagerie d'Instagram, c'est pas parfait. Non, c'est vraiment pas. Les gens voient pas les messages, j'en fais jamais. C'est il n'y a jamais aucun message d'ouvert. Ouais. Exactement. Juste Mathieu puis moi qui s'envoie des messages là-dessus. C'est ça. Puis tu sais, on n'a pas besoin, on a plein d'autres façons de se communiquer, mais c'est, des fois, c'est le fun de se partager des trucs. J'ai hâte de pouvoir regrammer aussi, hein, ça s'en vient, ça. Regrammer, pouvoir renvoyer une photo à quelqu'un d'autre sans avoir à juste les taguer dessus. Présentement, il faut une application externe pour répéter des grammes de quelqu'un d'autre. C'est ridicule, ça. Mm-hmm. C'est ridicule. Bref, savais-tu qu'il y a une autre option qui s'en vient dans Instagram, Tania, c'est de voir quand les gens ont pris une capture d'écran d'une de tes stories. Ah, oh, mon Dieu! On n'a vraiment pas besoin de ça. Non, s'il vous plaît. Non, mais on va pouvoir savoir qui a regardé ses stories, ce qu'on peut déjà faire. En passant, tu peux déjà regarder qui a vu tes stories. C'est déjà comme ça. Mais de voir qui a fait une capture d'écran, il va y avoir un petit obturateur, donc un petit icône qui va apparaître dans ta liste des gens qui ont visionné tes stories et en plus qui a pris une capture d'écran. Donc, selon TechCrunch Instagram Test, cette fonctionnalité-là, chez plusieurs personnes, pas tout le monde. Mais bref, il y a une façon d'enlever cette possibilité-là, en fait, pas de l'enlever, vraiment pas du tout. L'option est d'éviter l'alerte en enlevant Internet de ton téléphone. C'est-à-dire que lorsque tu regardes une story, la story est emmagasinée dans la mémoire de ton application et tu peux aller en mode avion. Okay. Qui va empêcher d'envoyer le signe à la personne. Ah, quelle bonne idée! C'est quand même pas pire. Donc, le mode avion pour continuer de fureter. Vous devriez pouvoir voir même quelques photos qui ont déjà été mises en cache pendant quelques instants. Et quand ça va arrêter d'être disponible, enlever le mode avion pour remettre le mode normal. Et là, soudainement, ça va revenir. Et ça devrait pas envoyer le signal à la personne. C'est une façon de faire, mais pour vrai, c'est pas cool comme option du tout. Ensuite, bizarre un peu, non, je vous jugerai pas là-dedans. Il y en a qui sont complètement Apple, il y en a qui sont complètement Android, mais il y en a qui sont entre les deux. Je te dirais que je me mets entre les deux. T'as quoi comme appareil Android? Présentement, j'ai un iPhone. Ah, tu vas pas aller vers Android. Avec une belle vitre toute cassée. Ouais. Et le Google Pixel 2. Tu me déçois. Me tente vraiment beaucoup. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé de retourner à Android après avoir eu un iPhone, puis ils sont revenus au iPhone. Fait que tu sais, je fais confiance au fait qu'Apple va te revoir un jour. Mais c'est vraiment juste une différence de prix entre la raison pour laquelle j'irai vers un Galaxy ou le Google Pixel. Un iPhone 6 gratuit à contrat, non? Mais pourquoi ça, payer plus cher? Gratuit? À contrat? Je sais pas. Bref. Mais c'est parce qu'au bout de 3 ans, mettons, là, mon téléphone va se mettre à bugger. Tu trouves? Puis là, il va vouloir que je le change pour le nouveau modèle. Tu l'aimes plus, ton iPhone? Et il bug tout le temps. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai un iPhone 5. L'as-tu reformaté? Oui, plusieurs fois. Ouais. J'ai un iPhone 5, OK? Ouais. Il faut comprendre que, oui, Apple met des puces dedans pour que ça bug. Ils l'ont dit, ils l'ont avoué partout. Non. Wow. C'est pas ça qu'ils ont avoué. Hey, déforme pas les paroles d'Apple. Mathieu! Non, attends un peu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé la capacité du processeur pour empêcher que le téléphone ferme tout seul et que tu perdes des données. C'est ça qu'ils ont fait. Il n'y a pas une puce d'obsolescence programmée dans les iPhones. C'est pas ça qu'ils ont dit. Non, non, non. Ce qu'ils ont dit, c'est que oui, c'est normal que votre téléphone bug oui. au bout de genre 5 ans quand tu l'as. C'est normal parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas mettre à jour chaque système d'exploitation pour accepter chaque iPhone depuis le début. Mais arrêtez d'en sortir au 6 mois. Ça, je suis d'accord. Ils en sortent un par année. Je suis d'accord que c'est trop. C'est clairement pour pouvoir acheter le nouveau, ça, genre. C'est vrai. Oui, non, ça, je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, c'est ça qui est fâchant chez Apple. Ben, c'est de même chez tout le monde, en fait, tous les téléphones, c'est sûr, même avec Android, tu vas juste pas pouvoir mettre à jour au plus récent système, tu vas être pogné avec l'ancien. Est-ce que c'est mieux d'être pogné sur l'ancien, comme ça bug pas? Mais tu sais, en même temps, là, est-ce que je suis capable d'envoyer un message? Est-ce que je suis capable d'appeler sans que mon téléphone ferme aux 3 secondes? Aller sur Facebook, puis Instagram? C'est vrai. Pendant plus de 6 ans, j'aimerais beaucoup. T'es pas du genre à télécharger beaucoup d'applications? Non, donc, vraiment t'as pas dépensé, pas. Donc t'as pas investi. Est-ce que je suis capable de lire mes nouvelles sur mon téléphone? Ouais. Non, ça, je te l'accorde. Non, j'ai investi vraiment pas beaucoup d'argent sur... Bon, tant mieux. Donc, pour ce que tu fais, je te le donne, t'as raison. Tu devrais probablement avoir un Android. Merci. T'es le public cible, en fait, d'un Android. Quelqu'un qui utilise le téléphone comme utilitaire. Mais et c'est non pas comme mode de vie. Non, mais en temps normal, c'est censé être utilitaire. Oui, mais tu sais. Ben, mode de vie, ça dépend, là. Tu sais, par exemple, ces temps-ci, j'écoute souvent les Jeux Olympiques sur l'application. Oui. Pyeongchang 2018. Je dois dire que c'est vraiment cool. Ouais. Fait que, est-ce que ça devient utilitaire ou est-ce que c'est un mode de vie à ce moment-là? En autant que je suis quand même capable de faire ça, c'est tout ce que ça me prend. Ce que je veux dire par mode de vie, c'est que c'est le fun de pouvoir capturer une vidéo sur ton iPhone, l'avoir dans ton iMovie sur ton Mac, qui est synchronisé sur l'iCloud. Hey, ça change tellement rien à ma vie, là. C'est pour ça que t'es pas obligé d'avoir un iPhone. Ouais. Du tout. T'as raison. Bon, ça va comme débat. Merveilleux. C'est des buggy ce matin. Exactement. Mais donc, on était en train de dire qu'il y avait des gens qui étaient surtout Apple, donc surtout Android. Il y en a qui sont dans le milieu entre les deux. Et justement, cet article-là s'adresse à vous. C'est pour ceux qui ont des AirPods, les appareils d'écouteurs sans fil de Apple, mais qui sont sur un téléphone Android. Ça arrive, des gens comme ça. Les AirPods sont faits pour les iPhones, évidemment, mais ça fonctionne vraiment bien sur un téléphone Android quand même. Ça vient avec le chargeur, ça vient avec tout. Tout ce que tu peux pas faire, c'est peut-être Siri. Mais bon. Donc, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de façon facile de regarder la durée de vie de ta pile, des piles des AirPods sur un Android. Mais il y a une solution, c'est l'application Air Battery. C'est gratuit d'un développeur Android, George Friedrich. Donc, ça a une seule utilité, c'est que ça vous montre la durée de vie de vos piles de AirPods sur Android. C'est tout ce que ça fait. Hein? Voilà. Donc, allez-y, téléchargez ça si ça vous intéresse. Vous allez voir la batterie de votre oreillette de gauche, celle de droite et de votre petit boîtier. Air Battery qui fonctionne aussi avec les écouteurs Beats X, hein, qui sont aussi une propriété de Apple. Voilà. Ensuite, on nous dit que celle-là, on dirait que je me demande si quelqu'un pense que ça marche comme ça, mais il y en a qui se font vacciner deux fois pour la grippe. Ah ouais? En se disant, ben. Pas la même année, là. Ouais, ouais, mais tu sais, deux piqûres, c'est bien mieux qu'une seule. Ben là, franchement, ça s'annule pas. ça serait pas pire, ça, finalement, c'est comme pas avoir de piqûres du tout. C'est ça? Tu sais, quand tu demandes au médecin, peux-tu annuler ma piqûre de tantôt? Ah ouais, mais t'en faire une deuxième. Ouais, exactement. Il y en a pas de problème. Bref, il y a des rumeurs sur Internet qui disent de demander une deuxième piqûre pour la grippe au printemps. Donc, t'en prendrais une avant la saison froide et une autre au printemps. Mais non, la recommandation est de se faire une seule piqûre, idéalement l'automne. C'est toujours votre meilleure façon de faire, selon Richard Webby, chercheur à l'hôpital St. Jude. C'est lui qui est une des personnes qui décide quel vaccin va être utilisé chaque année en Amérique du Nord. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas mal tout ce que vous avez à savoir là-dessus. On dit que c'est en octobre qu'on devrait le faire. Et en passant, il y a une petite parenthèse disant que les jeunes enfants, eux, ont besoin de deux piqûres, mais seulement la première fois qu'ils sont vaccinés. Donc, à l'automne, ils vont recevoir deux piqûres instantanément. Voilà. Hein? Les gens de plus de 65 ans qui ont un système immunitaire faible, eux vont avoir une plus haute dose de vaccin à la place d'avoir le type régulier. Ce ne sera pas deux piqûres, c'est une seule, mais avec une dose plus élevée. Ensuite, on vous suggère, pour ceux qui veulent se remettre en forme un petit peu et qui ont tendance à se brosser les dents le matin, j'espère la plupart, hein? Sinon tous, on vous suggère de faire des squats pendant que vous brossez les dents. Okay. Pour avoir des muscles d'enfer. Des fesses d'acier. Des fesses d'acier, exactement ça. Donc, c'est inspiré par un défi sur le site Vital. C'est le défi du mois de janvier, c'est de faire des pull-ups, là, j'imagine, en se levant, des trucs comme ça pour être plus en forme. Ben, maintenant, des squats en faisant sa toilette. Et apparemment qu'on améliore la force du haut du corps et qu'on a une meilleure posture en faisant ça. Pourquoi pas? Donc, brossez-vous les dents en faisant des squats. Ensuite de ça, on laisse tomber les musiques de streaming pour recommencer à acheter de l'argent. Est-ce que tu es du genre à streamer ta musique sur Spotify, Apple Music ou autre? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu utilises, Spotify? Spotify. Pas Apple Music. Ben non. Tu veux t'aller sur Android de toute façon. Alors, il y a Apple Music sur Android. Ouais, mais ouais. Apple Music, ça te coûte de quoi? Ouais, ben Spotify aussi, si tu veux un compte professionnel. Ben, mais moi, j'y vais sans compte, là. Musique. Ouais, c'est ça. Je vais avec Wi-Fi. Je pense que la plupart des gens, ils vont sans compte, hein, mais bon. Ouais. Bref, c'est ça, Spotify. Mais j'achète encore des albums. Ah bon? Physiquement, en CD? Oui. Pas MP3. Bref, on recommande justement de peut-être lâcher le streaming pour recommencer à acheter de l'argent. Pourquoi? Ben, plusieurs raisons pour commencer. Ben, ta bibliothèque de musique se fout complètement des licences des artistes et des compagnies de disques. Tu sais que si un artiste décide de quitter Apple ou décide de quitter Spotify, tu pourras juste plus les entendre. Même si t'as un compte payant qui te permet d'écouter des chansons spécifiques, si la musique n'est plus sur le service, tu pourras plus l'entendre alors que tes MP3 vont toujours t'appartenir. Éviter les services fermés comme Spotify et Apple Music, ça peut empêcher certains problèmes que vous pourriez avoir plus tard à vous construire une bibliothèque. Vous pouvez amener votre musique hors ligne beaucoup plus facilement. Mm-hmm. C'est sûr que Spotify et Apple Music le font aussi. C'est sûr. Il y a aussi le fait que tu peux mettre tes propres MP3 dans le service, comme Apple Music te permet de prendre des pièces que tu as rippées en MP3 ou que tu as achetées ailleurs ou que tu as pris illégalement sur différents services et les envoyer sur le serveur pour après ça qu'ils soient disponibles tout le temps. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Mais ça commence quand tu as des MP3. Oui, exact. Évidemment. Donc, il y a plusieurs avantages à acheter sa musique, que ce soit en CD ou en MP3. Moi-même, tu sais, les CD physiques, j'en achète plus vraiment, mais je les achète en MP3 pour les avoir pour toujours et en extrêmement bonne qualité. Évidemment, on sait que Spotify et d'autres, la qualité n'est pas tout à fait parfaite pour justement pas péter ta bande passante à chaque mois. Hein? C'est pas tout le monde qui a du Wi-Fi tout le temps. Et le Wi-Fi ici, oui, n'est pas toujours parfait non plus. Ensuite, justement, parlant de données, peut-être pas des données de gigs, mais on parle de données qui viennent être un petit peu harcelantes dans la vie. Tu sais, le nom. Ouais, la petite pastille rouge sur tes icônes avec des notifications dedans. Dans le coin, ça te dit combien de batterie qui te reste. Des trucs comme ça. Il y a tout le temps des choses qui te disent « OK, là, il faut que je fasse attention et ça te stresse pour rien. » C'est le genre de choses qu'on a une fois de temps en temps. Mm-hmm. Quand ton téléphone est rendu à 40%, tu essaies de budgéter ton temps. OK, combien qu'il reste d'heures avant qu'il tombe? Donc, c'est une forme de distraction assez commune pour bien des gens. Et c'est pour ça que Damon Barris chez Mashable suggère, premièrement, d'arrêter d'afficher sa batterie. Si on a déjà parlé de ça la semaine passée. Mais aussi de peut-être enlever des notifications qui ne sont pas importantes pour toi. Qui te créent de l'anxiété. Donc, enlever le plus de bulles possible, ça pourrait être une bonne chose. Hein? C'est une très bonne idée. Moi, je trouve aussi. Ensuite... Si vos plans pour la Saint-Valentin, ça tombe bien qu'on fasse cette chronique-là aujourd'hui, si votre plan pour la Saint-Valentin inclut des relations sexuelles et manger ensemble, vous devriez les faire dans cet ordre-là, nous dit-on. Mm-hmm. Hein, pour bien les gens, la Saint-Valentin, c'est aller manger en premier et ensuite avoir des relations consentantes après. Hein? C'est pas mal ça qu'on fait d'habitude? Oui. Ben, on nous suggère de peut-être faire le contraire. OK. Hein? On suggère de prendre vos réservations au restaurant pour plus tard dans la soirée, rencontrer votre partenaire dans la salle à coucher en premier, avoir des relations et ensuite, tu vas avoir beaucoup plus faim. Et ça va te permettre de savourer ton repas sans avoir à penser au fait que peut-être que tu vas t'endormir le soir. Peut-être que tu vas avoir bu de l'alcool, donc tu vas être sous l'influence, ça va être moins le fun, je sais pas, peut-être plus le fun, je sais pas. Mais bon, bref, tu vas être le ventre plein, endormi et sous l'effet de l'alcool. Peut-être que ça finira pas super bien votre relation consentante. En faisant le contraire, tout le monde gagne. Mm-hmm. C'est ce que l'article nous suggère. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Justement, parlant de Saint-Valentin, on nous suggère de ne pas faire notre souper de Saint-Valentin à la Saint-Valentin. D'accord. Évidemment, le fait est que la Saint-Valentin, c'est pas mal le même jour pour tout le monde. Je pense. Habituellement, c'est pas mal le 14 février de chaque année. Pas mal. Ben, les restaurants capitalisent là-dessus. Hein. Ils imposent des prix des fois plus chers le soir du 14 février. Sinon, ben, y a du gâteau au chocolat pour dessert et vous force à payer pour. Vraiment très, très cher. Ben, force peut-être pas. Hein. Mais ça peut coûter une centaine de dollars par personne si vous allez dans des restaurants fancy. Hein? Mm-hmm. Ça arrive. On vous suggère d'y aller un autre soir, par exemple, en sautant par-dessus la Saint-Valentin du mercredi et faire une réservation pour le vendredi ou le samedi. OK. Hein, pas pire. D'autres, comme Dr. Ruth, nous suggèrent de prendre notre petit souper avant la fête. Ouais. La demande va être plus faible. Tu vas pouvoir manger ce que tu veux au prix normaux. T'auras pas à attendre rien non plus. T'auras pas à attendre dehors des fois, tu sais, quand il y a trop de monde ou des trucs comme ça. Voilà. Avant ou après le 14 février. Simple quand même comme conseil. On revient à la technologie un petit peu. On peut maintenant faire mute sur un site web, mais pour toujours dans Google Chrome. Ah ouais? Ouais, il y a des sites qui gossent vraiment avec les vidéos qui jouent tout seul. Là. Moi, je trouve ça vraiment déplaisant. Et bien, dans Chrome, on peut simplement maintenant cliquer droit sur un onglet et faire rendre le site. C'est couper le son du site en français. Et ça va le faire pour le site au complet. Même si le site fait pas de bruit en ce moment, t'as pas à attendre qu'il y ait une vidéo. Parce que des fois, c'est ça le problème, tu sais. Tu veux attendre la vidéo pour. Tu veux attendre que la vidéo commence à jouer avant de faire mute. Mais dans ce cas-ci, tu peux le faire à l'avance pour t'empêcher d'avoir des problèmes. Chrome permettait déjà de faire le muet sur un onglet, sauf que ça se souvenait pas du site que tu voulais rendre muet pour toujours. Et maintenant, depuis Chrome 64, Chrome a amené le mute de l'autoplay au complet. Mais ici, c'est pour un site web en particulier. Par exemple, bon, là, sur le site de Lifehacker, je fais clic droit, couper le son du site. Il va se rappeler pour toujours que Lifehacker ne devrait pas avoir de son. Jamais. OK. C'est bien, hein? C'est très bien. Ouais, j'aime bien ça. Ensuite, les trucs pour être un adulte, par John Perry Barlow. D'accord. Donc, John Perry Barlow, est-ce que c'est le fondateur? Oui, c'est le fondateur de l'Electronic Frontier Foundation. Il est mort dans les derniers jours, John Perry Barlow. Il avait 70 ans. En plus de l'EFF, c'était aussi quelqu'un qui a écrit des paroles pour Grateful Dead, le band. OK. Il a aussi établi quelques règles qu'on devrait utiliser pour vivre en tant qu'adulte. Il appelle ça Principles of Adult Behavior. Il a écrit ça dans le coin de son 30e anniversaire. Il était surpris de s'être rendu à cet âge-là, donc où t'es vraiment adulte, 30 ans, et il s'est écrit des règles qu'il essaie de suivre depuis 35 ans. Oh, wow! Donc des règles concises, pratiques, qu'on peut appliquer dans chaque aspect de sa vie. Commençons donc par être patient. Quoi qu'il arrive, il faut être patient, c'est son premier principe. Bon, c'est simple. Deuxième principe, ne pas parler en mal des gens. Donc, assigner la responsabilité, non pas le blâme, et ne rien dire à d'une personne que tu ne lui dirais pas en pleine face. C'est son deuxième principe. Ensuite, ne jamais présumer les motifs des autres. Ne jamais présumer que leurs motifs sont moins nobles que les vôtres. OK. OK. Augmenter, comment dire, se servir le plus de vos sens possible. Mm-hmm. Donc, chacun de vos cinq sens. Ne pas se déranger avec des problèmes que tu ne peux pas régler. Des trucs que sur lesquels tu n'as pas contrôle, de ne pas s'en faire avec ça. Ouais. Ensuite, de ne pas s'attendre à plus de quelqu'un que tu serais capable d'accomplir toi-même. OK, ouais, je comprends. Ne pas t'attendre à ce que l'autre fasse encore mieux. Tolérer l'ambiguïté. OK. OK. Rire de soi. Oui. Fréquemment. Ben oui. Hein? Penser à ce qui est bon et non pas qui a raison. OK. Ne jamais oublier que ça se peut que t'aies tort, même si tu penses avoir raison. Abandonner les sports violents. Le blood sport. OK, j'imagine que ça, c'est plus personnel. Se souvenir que ta vie appartient aux autres aussi. Donc, ne pas risquer ta vie de façon frivole. Mm-hmm. Ne jamais mentir à personne pour aucune raison. Il dit par contre qu'il y a une échappatoire à ça, c'est les mensonges par omission. Aha. Donc, quand tu ne dis pas quelque chose qui ne t'a pas été demandé. Ouais. Apprendre les besoins des gens autour de toi et les respecter. Éviter la poursuite du bonheur. Cherchez à définir votre mission et poursuivre votre mission à la place. OK. Okay. On est toujours dans la liste des choses qu'on devrait faire pour devenir adulte, selon notre ami John Perry Barlow, fondateur de l'Electronic Frontier Foundation. On était rendu à réduire votre utilisation du premier pronom personnel. Arrêtez de parler au « je ». Ouais? Ou on devrait dire au président américain d'arrêter de parler à la troisième personne. Ouais, c'est ça. Trump quelque chose. Trump. Parler en bien aussi souvent que tu parles en mal. Mm-hmm. Hein? Admettre tes erreurs, toujours et le plus rapidement possible. Trouver moins suspect le fait que les choses peuvent être positives ou comme t'apporter de la joie. Des fois, on se dit que si t'as de la joie, c'est que ça va mener à quelque chose de mal plus tard. T'sais. Des fois, t'as comme de la misère à accepter les bons côtés de la vie. Comprendre l'humilité. Se souvenir que l'amour pardonne tout. Ouais. Encourager la dignité, vivre de façon mémorable, s'aimer soi-même et endurer. Oui, bon, c'est ce que Barlow a écrit. De grandes lignes. Quand même, il y en a là-dedans que t'es pas d'accord. Hein? Quand même. Ouais, bon, bref. Ensuite, tiens, justement, on va se donner un nouveau conseil, peut-être un nouveau mode de vie, faire semblant qu'on est bon dans quelque chose. Mm-hmm. C'est dans un livre qui s'appelle « Let's Pretend This Never Happened », donc Jenny Lawson qui a écrit ce livre-là, et elle dit qu'on devrait faire semblant d'être bon à quelque chose. C'est ce que la personne a décidé d'écrire sur son bras, en fait. Elle a écrit ça sur son bras, et elle s'est dit « OK, je vais faire semblant », c'était pour l'enregistrement de son livre audio. Elle avait jamais fait ça de livre audio jusqu'à maintenant. Donc elle s'est dit, fais semblant d'être bonne et tu vas te duper toi-même. OK. Et tu vas finir par croire que t'es bon à la nouvelle tâche que t'as. Ah, ben oui. Ça pourrait changer une vie, ça. Fais-toi croire que... Ben oui, fais-toi croire que t'es bon. Fake it till you make it, comme on dit. Ben oui, c'est ça qu'ils disent. Il y a des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Je pense en être atteint depuis toujours, le syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression que le succès que t'as ne t'appartient pas vraiment. Ouais. Peut-être que ça pourrait vous aider à mieux vivre votre syndrome de l'imposteur en faisant semblant que vous êtes bon. Hein? Ensuite... tiens, si vous êtes sur Netflix ou d'autres services comme ça, mais là on va parler spécifiquement de Netflix, les émissions pour enfants suivent la même règle que les émissions pour adultes sur Netflix, c'est-à-dire que l'épisode suivant commence à jouer tout seul. Ah ok, oui. Et ça fait que peut-être que tes enfants veulent partir le prochain épisode sans s'en rendre compte, en fait ils vont le partir sans s'en rendre compte, puis toi ben, tu te seras pas rendu compte non plus que l'épisode suivant a commencé à jouer. C'est quand même clair. Donc, l'autoplay qui est fait pour nous rendre accro à Netflix. Et Tristan Harris, qui, lui, essaie de partir en croisade contre le fait que la technologie nous absorbe dans la vie. Il compare ça à un bol sans fin de croustilles ou n'importe quoi. Hein? Mm-hmm. Donc, sur Netflix, vous pouvez enlever l'option. C'est en allant dans votre compte, bien sûr, dans mon profil, dans gestion des profils. Vous sélectionnez le profil de votre enfant. Premièrement, il faut avoir fait un profil enfant. Mais ça, okay, je pense que bien les gens l'ont fait quand même, ça se fait quand même bien. On décoche l'option qui dit que vous êtes un enfant. Vous la décochez. Maintenant, en sélectionnant le profil de votre enfant qui va encore exister, vous allez dans mon profil, dans paramètres de visionnement, et vous décochez l'option jouer le prochain épisode automatiquement. Hein? Ensuite, vous allez retourner dans la gestion des profils, vous allez sélectionner le profil de votre enfant, vous allez recocher la case qui dit est-ce que vous êtes un enfant. Tu comprends que la version pour enfant offre pas autant d'options. Donc, quand tu décoches l'option enfant, ça devient un compte normal. Et là, les options réapparaissent comme ne pas jouer le prochain épisode. Et quand tu recoches le fait que c'est un compte pour enfant, le paramètre reste. C'est cool, hein? Mm-hmm. Et ça affecte seulement le profil de vos enfants et non pas votre profil à vous. Donc, vous pouvez laisser l'option cocher. Vous devez donc le faire à chaque compte pour lesquels vous ne voulez pas avoir l'autoplay. Et même chose sur YouTube, c'est quand même simple. Sur YouTube, vous avez probablement vu le petit bouton là, autoplay en haut des vidéos suggérées et des vidéos qui s'en viennent en temps réel. Vous décochez, vous tassez le petit bouton à gauche et ça va arrêter de jouer tout seul. Et ça, le paramètre reste. Je l'ai testé. Entre deux redémarrages de l'ordinateur assez fou, il reste l'autoplay décoché. Une chance, parce que j'ai eu ça, jouer une vidéo YouTube à l'émission, ça joue tout seul après. Ensuite, il nous en reste trois rapidement, on va finir avec ces trois-là. Vous devriez regarder votre profil de réseau social comme le ferait un futur employeur. OK. Que vous êtes en train de chercher un autre job ou pas, vous devriez faire attention à ce que vous postez sur votre profil Facebook. Ben oui, clairement. Évidemment. Donc, c'est la compagnie Brand Yourself, une compagnie qui existe depuis 2009 et qui vous aide à nettoyer votre présence sur les réseaux sociaux. Ils ont lancé un outil de réputation en ligne qui scanne vos résultats Google à votre nom, votre page Twitter et votre page Facebook aussi, pour voir des choses qui seraient potentiellement embarrassantes pour un employeur. Ça vous donne donc un score de réputation entre très pauvre et excellent. Un rapport, que le score, il y a aussi un rapport complet de réputation, par exemple, des posts Facebook ou Twitter qui pourraient vous nuire. Et le constructeur de réputation, qui est une liste de choses à faire pour créer une meilleure réputation en ligne. Donc, prenez quelques instants pour aller analyser vos profils. C'est gratuit, il y a une version payante, évidemment, mais ça pourrait vous aider avec un futur employeur. Parlant justement d'embarrassement, de gêne par rapport à Facebook, on vous dit d'y aller avec l'option nucléaire et complètement désactiver votre compte Facebook pour éviter la gêne potentielle. On appelle ça un super log-off, apparemment. Je sais pas. Donc, une façon de désactiver votre Facebook pour plusieurs semaines à la fois, comme pendant une recherche d'emploi, ça pourrait être ça, à la place de complètement le fermer et de dire « je veux plus jamais venir sur Facebook », je sais que l'option existe. Mais, oui, mais il supprime pas pareil ton compte. Non, c'est ça, apparemment que ça prend un bout de temps avant que ça le supprime. Mais la version de désactivation de Facebook, où vous savez que vous pouvez y retourner, ça pourrait être bon pendant une recherche d'emploi. Sinon, vous pouvez aussi éditer votre compte dans les paramètres de vie privée pour aller tout désactiver pour que personne ne puisse rien voir. Il y en a qui le font, puis ça aussi c'est efficace, hein, où tu arrives sur le compte de la personne, tout ce que c'est le nom, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de post, il n'y a pas ses amis, il n'y a pas son âge, rien. En fait, ça veut vous dire que le compte a été désactivé. On parle pas de la même chose par contre. Ah non? Moi, je parlais de désactiver dans les options de vie privée, tout ce qui est visible. Ah, ok, oui. Mais l'option de désactiver qui est différente de l'option de supprimer, toi, c'est que tu as sûrement lu le même article que moi, c'est que quand tu supprimes ton compte, Facebook le garde pareil sur le serveur et il n'y a pas vraiment d'obligation à l'effacer. Bon, mais l'autre option de désactiver, ça c'est vraiment une option que Facebook offre de fermer ton compte temporairement et de pouvoir le réactiver n'importe quand. C'est pas la même option que le supprimer complètement. Mais c'est peut-être si tu veux faire une cure de Facebook. Ben c'est fait exprès pour ça. C'est fait pour justement peut-être une recherche d'emploi. J'ai des amis qui ont fait ça. Oui, pourquoi pas. Ils ont désactivé leur compte Facebook. Sans l'effacer. Désactivé. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça te permet de changer d'idée plus tard. Oui, puis ça fait que quand tu tapes dans la barre de recherche, on trouve jamais ton nom. Tu peux aussi masquer le fait de, que les gens peuvent chercher ton nom en passant sans avoir à désactiver ton compte. Tu peux demander à Facebook, dans les options, ne pas m'afficher lors des recherches, mm-hmm. ni sur Google, ni sur Facebook. Donc, à la place d'y aller avec l'option de désactivation du compte pour te cacher de Google, vas-y donc avec l'option de le masquer de Google dans Facebook. T'sais. Faut mm-hmm. chercher les options. Il y en a beaucoup d'options là-dedans. Il y en a vraiment beaucoup. On peut passer des heures là-dedans. Mais ça pourrait valoir la peine. Et en passant, la raison que Facebook t'offre de désactiver ou de supprimer ton compte, c'est que quand tu le désactives, c'est volontaire que tu vas pouvoir revenir et tes informations vont être encore là. Alors que quand tu supprimes ton compte, il supprime ton compte. Comme tu dis, ça reste sur le serveur de Facebook, mais si tu rouvres un nouveau compte avec ton nom et le même nom d'utilisateur, il devrait pas récupérer tes données parce que tu as dit supprimer ton compte. Ouais, c'est ça. C'est ça la fin. Bref, c'est complexe, mais c'est comme ça. Et justement, parlant de réseaux sociaux, surveillez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux avec une application pour iPhone. Hein, tu sais, une fois de temps en temps, on ouvre notre téléphone quelques milliers de fois par jour. Mm-hmm. Hein? Voici Pixie, donc P-Y-X-C-E, pardon, je recommence ça, P-Y-X-S-E-E, une application qui surveille votre utilisation des réseaux sociaux et qui vous permet de mettre des limites sur la durée que vous passez sur Facebook, Twitter et Instagram chaque jour. À la place d'utiliser chaque application individuellement, vous allez y accéder. Vous allez accéder à ces applications-là via Pixie. Donc, c'est pas vraiment aussi cool que d'aller ouvrir l'application Instagram. Tu vas devoir ouvrir Pixie et aller sur la version web d'Instagram dedans Pixie. Bref, tu peux quand même utiliser l'application pour poster sur tous tes réseaux sociaux en même temps, si c'est le genre de truc que vous aimez faire. Si vous êtes parent, vous allez pouvoir aussi voir mettre des limites à l'utilisation pour un certain frais mensuel. Évidemment, tout ça, ça veut dire que tu dois comme empêcher les vrais Twitter, Facebook et Instagram d'être accédés dans les paramètres de iOS pour pas qu'ils puissent y aller par là. Il faut qu'ils aillent absolument par Pixie. Mais bon. Ensuite de ça, vous pouvez vous permettre aussi l'accès illimité ou limiter votre temps aussi souvent que vous le voulez. C'est pas parfait, mais ça pourrait vous empêcher une fois de temps en temps d'aller sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle encore une fois Pixie, P-Y-X-S-E. Voilà pour nos 15 petits conseils de vie. Il y en avait des meilleurs que d'autres. Hein? C'est vrai. C'est vrai. On prend une pause. Merci. Ça fait plaisir. On prend une pause et au retour, il nous reste encore quelques petits trucs à faire, là, pas grand-chose. Pour l'instant, on va écouter Slaughter Beach Dog avec la pièce Golden Green. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 10h. Share a smoke on this sofa. seen was gold and green. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row, row by row. Aujourd'hui. C'est fou! 89 avec Paradise. Terra qui vient tout juste de quitter les palmarès, on l'a entendu dans Palm Rest in Peace hier. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, il nous reste pas beaucoup de temps, je dirais une petite quinzaine de minutes, mais ça va être le moment de parler un petit peu de sport. Ok, oui! Parce que les Olympiques ont lieu en ce moment et Tania est vraiment passionnée par ça. Hein? Ben oui, quand même assez... Mettons, je me lève le matin, je regarde ça. Je me couche le soir, je regarde ça. Je lis sur ça. Donc, automatiquement, je pense que oui, on pourrait dire que je suis quand même assez passionnée de tout ça. J'ai quelques... T'as donné ton Valentin aux Olympiques cette année. C'est en plein ça. Et j'ai quelques faits, en fait, pour vous aujourd'hui sur les Jeux Olympiques. Pas nécessairement sur la journée d'hier, mais on va commencer par une nouvelle qui est arrivée cette nuit. Il y a une partie de la zone olympique de Gangneung qui a été évacuée. Ah non? En fait, en raison de vents très violents. Et on a déjà discuté des températures là-bas. C'est plus froid que ça devrait. On a de la difficulté, en fait, à pouvoir faire les épreuves extérieures qui sont en hauteur. Donc, on avait eu de la difficulté à faire le slopestyle masculin en soirée. Et la température change beaucoup au courant de la journée. On commence le matin, tout semble être correct. La température est belle, le temps est doux. Mais le soir, lorsque vient le temps de faire les épreuves qui vont jusqu'à environ 11h, 11h30, c'est-à-dire, bon, ski acrobatique, ski en hauteur, bobsleigh, ce genre de choses-là. C'est toujours aussi tard. Oui, quand même, assez. Eh bien, on a de la difficulté à pouvoir faire les épreuves, ce qui fait en sorte que présentement, on a plusieurs épreuves qui ont été remises à la semaine prochaine. On en remet encore et encore, ce qui fait en sorte que peut-être qu'on pourrait arriver à devoir rallonger le temps des Olympiques cette année. Hey, les réseaux de télé, le feraient la pièce. On n'espère pas, parce qu'automatiquement, c'est sûr que si t'es un athlète, t'es là-bas, t'as déjà un billet d'avion, là. Ouais, c'est ça. Faut que tu reviennes à un moment donné. T'as pris un aller-retour. Donc, il y a des bénévoles qui se sont chargés, en fait, de faire sortir les personnes qui se trouvaient dans des tentes aménagées près des arénas et près de la salle de presse. Ils ont également demandé aux partisans qui marchaient un petit peu partout dans le parc olympique d'aller se réfugier à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Et au patinage artistique, l'épreuve des couples était terminée depuis longtemps quand les journalistes ont dû être évacués de leur tente. Les vents soufflaient extrêmement fort sur le village des médias qui est situé en fait à quelques kilomètres de la patinoire. Et pour le moment, bien, malgré les évacuations qu'on a eues durant le jour, les épreuves prévues dans la région n'ont pas été touchées par la météo. Les sports qui se déroulent à la montagne ont cependant été perturbés, comme on le disait, par le climat sud-coréen des derniers jours. Donc, il y a des épreuves de ski alpin et de biathlon qui ont été annulées dans les dernières heures. Le slopestyle en surf des neiges et le saut à ski n'ont pas été reportés, mais ont été clairement dérangé là, par les vents violents, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile pour côté technicalité de pouvoir atteindre des notes qui sont quand même assez incroyables. Et si on regarde, par exemple, le slopestyle demi-lune, eh bien, les notes vont être données en raison de l'amplitude que tu vas avoir, donc c'est-à-dire la hauteur que tu vas réussir à atteindre pour effectuer ta prise, pour effectuer ton programme. Et là, à ce moment-là, on peut tout simplement pogner dans le vent. Donc, c'est quand même assez difficile pour le moment. On va voir encore une fois quelles épreuves vont être annulées, quelles épreuves vont être remises et si on va devoir rallonger le temps des Olympiques. Mais pour le moment, ça se passe bien, donc on va continuer à toucher du bois. On va espérer aussi pour les athlètes, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, t'es censé faire une épreuve telle journée, puis l'épreuve est remise en raison du temps, en raison de la climatisation. Donc de la climatisation. La climatisation, oui. Mais du côté du froid, il fait extrêmement froid. Là. On a vu des skieurs en hauteur devoir mettre vraiment un manteau de surplus avant d'aller sauter. Le temps d'attente, en fait, entre les épreuves est très, très, très, très froid pour les athlètes qui, en temps normal, devraient être quand même être capables de se garder au chaud un petit peu au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Là, à ce moment-là, tu sais, surtout en ski, on a une fine combinaison. Alors, le froid pogne vraiment extrêmement. Donc, on va leur souhaiter bonne chance de ce côté-là. Oui. Sinon, j'ai quelques chiffres pour vous. Je pense qu'on va faire comme assez dans ta face. Les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Je pense qu'on s'est quand même déjà tous posé la question, est-ce que les athlètes gagnent beaucoup en participant aux Jeux olympiques? Ouais. On a vu Jean-Luc Brassard dans les dernières semaines sortir comme quoi le Comité olympique international était celui qui se mettait le plus d'argent dans les poches, ben oui, contrairement à ce qu'il devrait peut-être donner aux athlètes. Mm-hmm. Jean-Luc Brassard n'est pas le plus grand fervent du Comité des Jeux olympiques international. Je pense que c'est chose claire maintenant. Et je pense que ça vaut quand même son bout de chemin à devoir le dire, tout simplement, le mettre au grand jour, que oui, bon, il y a des athlètes qui payent quand même des fortunes pour s'entraîner, et finalement, tu participes aux Jeux olympiques sans nécessairement avoir quelque chose en retour, sauf une médaille, considérant le fait que chaque sport a déjà sa Coupe du Monde. Mm-hmm. Ils doivent faire plus d'argent sur les commandites que d'autres choses. Eh bien, c'est justement là que je m'en vais, Mathieu, parce qu'il y a des chiffres qui sont quand même assez surprenants. Pour vous donner une idée, cette année, pour aller faire les Jeux à Pyeongchang, le trajet en avion pour un athlète canadien vers la destination était environ 17h35 minutes. Les athlètes doivent ensuite rapidement récupérer, se mettre aux entraînements afin de pouvoir se qualifier dans les catégories respectives et ça leur demande beaucoup de travail. Donc, on a été quand même curieux de savoir s'ils en tiraient un quelconque bénéfice financier à la fin de ces fameux jeux-là. Est-ce que ces gens sont payés en prestige ou en dollars? Qu'est-ce que, tu sais, hein, c'est quoi les faits là-dessus? Eh bien, une médaille d'or vaut théoriquement 630 $ canadiens. Ah, OK. De manière brute, si on fait fondre une médaille d'or, elle vaudra environ 500 $ américains, 630 $ canadiens. Pardon. Il faut d'ailleurs garder en tête qu'il y a seulement 6 grammes qui sont composés d'or 24 carats. Le reste, c'est de l'argent sterling. Ouais. Une médaille d'or peut se vendre 12 000 $ bien que sa réelle valeur soit beaucoup plus faible. Une médaille d'or peut se vendre aux enchères aux alentours de 10 000 $ américains, donc 12 000 $ 600 canadiens. Et auprès, ça, on parle auprès de collectionneurs, bien évidemment, et la valeur varie cependant énormément selon l'exploit, la rareté de la médaille et qui l'a gagnée. Okay. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans certains pays, présentement, c'est impossible de pouvoir vendre ta médaille des Olympiques parce que ça se voyait. C'est des choses qui se voyaient après les Olympiques. Y a certains athlètes mettaient à vendre, par exemple, sur Kijiji là, ou eBay, l'équivalent de leur médaille d'or. On mettait la médaille d'or ou la médaille d'argent ou la médaille de bronze sur Internet. Le comité olympique international a bien évidemment été alerté de cette chose. Et là, on se dit, bon, on vous remet une médaille, pourquoi t'as à vendre? C'est peut-être... Parce que c'est pas de leurs affaires. Ben, parce que c'est peut-être là le questionnement, ben... J'aurais peut-être besoin de vendre ma médaille si je veux continuer à faire du sport. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui, dans certains pays, a été refusé, tout simplement. Ça dépend aussi des athlètes. Il y en a beaucoup qui les gardent. Ben, j'imagine que Michael Phelps en a déjà vendu quelques-unes, considérant le fait qu'il y en a plusieurs. Ouais. La plupart des pays vont octroyer une prime à ceux qui vont recevoir une médaille. Okay. Donc, nos athlètes, dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, on va accorder une prime aux athlètes qui vont remporter l'or lors des Olympiques. Donc, aux États-Unis, ça peut atteindre jusqu'à 25 000 $US, ce qui équivaut à 31 500 Canadiens. Et au Canada, le FEA entend verser entre 10 000 et 20 000 à ses médaillés. Un nageur olympique, par exemple, de Singapour, a déjà remporté environ 953 923 $ canadiens suite à une victoire qu'il a eue lors des Jeux d'été en 2016. Donc, on a des primes à certains moments. Mais il faut comprendre que le coût des entraînements, c'est extrêmement cher. Afin de pouvoir se rendre au niveau olympique, en tant qu'athlète, la plupart, on a été pris en charge dès notre plus jeune âge. Le coût total d'un entraînement peut dépendre, les dépenses reliées à tout ça, bien, ça peut facilement dépasser 250 000 $ américains, donc 315 000 $ canadiens. Et ça, on parle par année. Ouais. Les commandites aux Jeux olympiques, extrêmement importante, tu l'as dit tout à l'heure, afin de pouvoir rentabiliser en fait un passage aux Jeux olympiques. Un athlète va pouvoir toujours travailler sur son image afin de pouvoir justement signer des contrats qui sont quand même assez importants avec des commanditaires. Ici au Canada, on a vu souvent Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury, les Sœurs Dufour-Lapointe, si vous êtes de ceux qui passez souvent aux Jean Coutu, vous pouvez les voir avec la marque personnelle. C'est une commandite à ce niveau-là. Donc, ceux qui vont réussir le défi vont pouvoir toucher plusieurs milliers de dollars. C'est sûr et certain que si tu fais un plan de commandite en tant qu'athlète, ça se peut que tu sois payé en prestige et en argent aussi. C'est des choses qui arrivent. En gros, la plupart des athlètes s'entendent pour dire que c'est loin d'être l'argent qui les pousse à participer aux Jeux olympiques. Surtout qu'au Canada, c'est vraiment, mais vraiment rare de faire fortune avec un talent de sportif. Je pense qu'on sait, je sais pas pourquoi on a tant de difficultés à faire de l'argent en tant que sportif, là, mais le marché pour les commandites est très petit. Ah oui? Donc, tout comme les primes octroyées à nos athlètes, donc les étoiles d'ici doivent, à un certain moment, mener une double vie. Okay. C'est-à-dire un emploi de tous les jours d'un côté et la vie d'athlète de l'autre. Mais considérant le fait qu'on s'en va aux Olympiques, parfois, c'est quasiment 6 heures d'entraînement par jour. Tu manques de temps, là. Tu manques de temps. On a vu certains athlètes, d'ailleurs, cette année aux Olympiques, à voir dans la description. Elle est aussi pâtissière. Par exemple, si je me souviens bien, c'est une fille, une athlète de la Suède, ah, c'est cool, qui est pâtissière la semaine pour pouvoir justement se payer ses entraînements. Donc, on voit à un certain moment qu'on n'a pas le choix. Jean-Luc Brassard a lui-même parlé dans une entrevue, bon, lorsqu'il parlait justement du Comité olympique international, comme quoi c'était hallucinant à quel point il y avait de l'argent qui se brassait aux Jeux olympiques. C'est très politique, on le sait, mais la plupart de l'argent retourne dans les poches de ceux qui dirigent le Comité olympique. Eh bien, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jean-Luc Brassard est présent cette année aux Jeux olympiques. Comme média. Il est du côté de Pyeongchang. Il est là en tant qu'analyste. Oui. Il a refusé d'y aller en tant que chef de mission pour l'équipe Canada, okay, parce qu'il ne voulait pas être associé avec le Comité olympique canadien. Il y a quelques petites frictions entre les deux entités. On comprend bien ça. Mais il disait lui-même dans une entrevue, « J'ai pas le choix d'y aller, là. Mm-hmm. » Il s'il dit, veut vivre, c'est pas comment c'est fait qu'il va le payer à ce genre. Ben, si je veux vivre et si je veux que mon sport soit reconnu de façon mondiale, qu'il y ait une espèce de moussage de sport qui se fasse à ce niveau-là, j'ai comme pas le choix d'y aller. C'est sûr qu'en tant qu'analyste, je pense qu'il y a pas meilleur non plus au niveau du ski que Jean-Luc Brassard. Donc à ce niveau-là, on comprend très bien pourquoi à un certain moment, un athlète aussi en fin de carrière, aux alentours d'une trentaine d'années, doit se retourner de bord et trouver quelque chose d'autre à faire. Et voilà. C'est dit. Merci, Tania. Fait plaisir. On reparlera des Olympiques sûrement demain ou un autre certainement moment. Il nous reste encore pas mal de temps, surtout si on a une troisième semaine de jeu. Mm-hmm. Mais ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Sébastien Evgartin qui nous a fait son bulletin Gartin en début d'émission. Merci à tous les autres qui nous ont quittés le mercredi. Je rappelle que David Ferron est rendu le jeudi à 8h30 et Gabriel Béaud enseigne tous les matins et qu'Alex Marchand est parti. Donc, en tant que tel, notre mercredi s'est rendu pas mal, toi et moi. Oui. Ensuite, Sébastien. Demain à l'émission, jeudi, le retour de Véronique Mire et sa Véroniclopédie à 7h30. David Ferron, je viens tout juste de le dire, va être là à 8h30 pour la chronique du journal Zone Campus. Et en toute fin d'émission, notre chronique préférée pour manger les choses, une grosse pointe en dresse. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes, en ce mercredi, Compte à rebours va être en rappel dans quelques minutes à 10h. Ensuite de ça, je vais être de retour, moi, en direct pour le Mathieu Plante Show à partir de 15h. À 17h, de l'électronique avec Automatique. À 18h, de la musique alternative avec David Ferron qui va remplacer Carina Tardy à écoutedon.ca. Puis il va animer son émission L'Obe Trotter. Donc c'est sa grosse journée. Hein? Une chance qu'il a lâché sa chronique du mercredi. il était fou. Il s'en est rendu compte au moins. Puis c'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. C'est bye bye tout le monde. Bye. Bon café. Oh oui.